Inclinons nos têtes, prions. Demandons au Seigneur la miséricorde sur notre pays, le Cameroun. Demandons au Seigneur la miséricorde pour notre pays, le Cameroun. Demandons au Seigneur que pendant des moments de tension et de crise, qu'il ferme les cœurs des gens à l'appel à la révolte. Qu'il ferme le cœur des gens aux cris, aux appels à la révolte, aux dislocations. Prions, prions, prions, prions. Il ferme les consciences, les cœurs, pour les appels à la révolte. Aux appels à la révolte. Père, nous espérons à ta grâce et à ta miséricorde sur notre pays. Que ta main puissante, Père de gloire, descende dans cette nation et que par ton nom, Seigneur Dieu de gloire, les élus marchent à ta lumière ici. Que ton nom seul soit élevé dans cette nation. Merci pour tout ce que tu fais pour nous et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Mais vous saluez les uns les autres, les unes les autres, et vous asseyez. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Bonsoir. Avez-vous des questions, des préoccupations? Oui, mon cher. Parfait. La question est-ce que Saint-Esprit est là pour convaincre les païens ou les soutiens? Qui est le Saint-Esprit? Dieu. Il est Dieu. Oui. Quand il était sur la terre, il essayait de convaincre les gens. C'est ma question parce que je n'avais pas compris. Non, tu as posé la question sur le Saint-Esprit. Mm-hmm. Il dit quand il était sur la terre, est-ce que son problème était de convaincre les gens? Non. Qu'est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il agissait? Il présentait la vérité. Comment il t'a fait avec toi? Voilà, avec moi. Et pendant que tu en es réfléchi, quand il présentait cette vérité-là, il forçait les gens ou bien essayait de discuter avec les gens pour qu'ils croient à cela? Non, il ne faut pas. C'était tout naturel. Ceux qui s'attachaient à lui, s'attachaient à lui. Mm-hmm. Aujourd'hui, on a des débats chauds où on se bagarre sur la vérité. Mm-hmm. Et très souvent, les gens qui bagarrent même ne sont même pas dans la vérité. Dieu ne les connaît même pas. Ils défendent Dieu parce qu'ils bagarrent pour Dieu. Mm-hmm. Alors maintenant, il dit donc, quand il était sur la terre, est-ce qu'il essaie de convaincre les gens par tous les moyens pour pouvoir les faire venir à lui? Non. Comment il agissait? Et de ton cas, comment il agit? Mon cas, il agit simplement. Donc, c'est inexplicable. Inexplicable. Qui a créé tout ce que nous voyons? Dieu. Il a forcé quelqu'un était avec lui. Non. S'il veut détruire ça, quelqu'un va l'empêcher. Non. S'il veut convertir quelqu'un, quelqu'un va l'empêcher. Non. Comment est-ce qu'il convertit? Il fait venir à lui ceux qui lui appartiennent. Et ils viendront. Mm-hmm. C'est ça. Si tu ne l'appartiens pas, tu ne viendras pas. Mais c'est pas ce qu'il dit dans la Sainte Écriture. Voilà. Et ce don-là, il n'use pas des forces pour les faire venir. Il a dit, mes brebis entendront. Tu as vu ce que c'est la raison qu'il a dit non? S'il dit, ces brebis entendront sa voix, ça veut dire qu'il a mis les prédispositions pour qu'ils puissent entendre. Puis il dit, elles viendront. Je connais mes brebis. Ça veut dire que parmi tous ceux qui sont sur la terre, il les connaît. Il a dit qu'elles viendront. Il a prophétisé qu'elles viendront. Puis il dit, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. D'accord. Alors, si on comprend toutes ces choses, si vous lisez la Bible, le vrai problème avec nous aujourd'hui, vous m'entendez de ce côté-ci, le vrai problème avec nous, c'est ces choses-là qu'on a amenées dans un milieu chrétien. Vous voyez, vous entendez quelqu'un dire que l'objectif de son ministère, c'est gagner 2 millions d'âmes pour Dieu. Je pense que vous comprenez. On dit vision du ministère. Attraper au maximum pour Jésus. Attraper le haut, maximum. Allons dans le fin fond du village pour chercher les brebis égarées. Si vous faites ça et que Dieu ne vous a pas envoyé, vous travaillez pour vous-même. C'est pas ce que vous saisissez. Les Saintes Écritures sont claires. C'est Jésus qui doit envoyer. Dans Luc chapitre 10, verset 1, il dit la moisson est grande. Il n'a pas dit mettez-vous à travailler. Il a dit priez le maître de la moisson. Donc quand on dit le maître de la moisson, quelqu'un, cette moisson-là, ça lui appartient. Si vous enregistrez, vérifiez que vous avez mis le téléphone sur silence. Vous pouvez couper en mode avion. Oui. Alors, je suis en train de dire ceci. Si vous lisez bien la Bible, vous allez remarquer que Jésus, et comme il a dit dans ce livre de Luc chapitre 10, il dit, priez le maître de la moisson. Vous voyez la phrase, n'est-ce pas? Le maître de la moisson. Donc, le maître a sa moisson. D'envoyer des ouvriers à sa moisson. Donc, si tu vois que les gens sont en train de périr dehors, comme tu dis, il n'a pas dit que va travailler. Il a dit que ça, ce que tu dois faire, c'est prier pour que lui, il envoie des ouvriers à sa moisson. Il sait qui il envoie. Il sait quelle capacité il lui a donné. Il connaît la tâche qu'il lui a attribuée et les gens qui vont croire par celui-là. Voilà ce qu'il en est. D'accord? Voilà. Et donc, lorsqu'on ne connaît pas ces choses, on dit non. La grande commission dit allez et faites de toutes les nations les disciples. Il n'est pas donné à tous les chrétiens de faire des disciples. Il n'est pas donné à tous les chrétiens de faire des disciples. Ce n'est pas à tout le monde qui est donné d'enseigner la discipline, de discipliner les gens en Jésus-Christ. Parce que la discipline des gens en Jésus-Christ implique automatiquement l'esprit de l'autorité. Tu comprends ça, frère? Je comprends. Voilà. Donc, et vous ne pouvez pas enseigner donc sans autorité. Il faut que le Saint-Esprit vous octroie l'autorité. Vous savez, quand Jésus était en train de prêcher, on lui a demandé par quelle autorité ou par quel pouvoir qui t'a conféré ça? Qui te demande de faire ce que tu es en train de faire? Il demande. Avant de vous répondre, je vous pose aussi une question. Le baptême des gens. Jean s'est présenté. On lui dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Repentez-vous. Que chacun nous a baptisé, n'est-ce pas? Quand il s'est baptisé, quelqu'un lui avait demandé d'aller baptiser. C'est pas ça? Cela lui confère l'autorité. La mission confère automatiquement l'autorité. Quand Dieu dit à Moïse dans le désert, oh mon Dieu, Moïse, quand il a quitté l'Égypte, ce n'était pas son peuple et ses parents qui étaient là. Hein? Il voyait comment il souffrait. Même s'il avait le cœur de n'importe quoi, pouvait-il les délivrer? Non. Il allait dans le désert. celui à qui appartient le peuple sait quand il va délivrer, quand il va sauver. Moïse était dans le désert, il suivait le peuple, il veillait sur Moïse. Quand le moment est venu, il a dit: Moïse, je suis descendu. Il dit: le cri de mon peuple est monté à moi, je suis descendu pour les délivrer. Pourquoi il n'est pas descendu en Égypte pour aller le délivrer? Est-ce que c'est difficile pour Dieu de faire que tous les Égyptiens dorment pendant 800 ans? Ils couchent comme ça, ils se couchent, ils dorment. Dieu fait ce moment. Le sommeil les prend tous. Il dit: maintenant, je veux que sortez. Tout le monde sort. Fuyez-les, prenez tous leurs agents. Ils sortent avec les chars. Ils partent. Quand ils partent, quand ils les voient, Dieu fait: levez-vous, c'est vrai que tout le monde est parti. C'est difficile pour lui? Non. N'est-ce pas? Il a fait que tout, dans chaque maison, il y avait des pleurs, sauf chez les Juifs. Amen. Donc, il pouvait les délivrer comme ça. Mais il les laisse les voir tranquilles. Il vient voir un Moïse ici, dans le désert. Il lui dit qu'il a entendu le cri. Depuis qu'il crie pendant 400 ans, il n'entendait pas. Hein? Faisons attention, vraiment. Je suis en train de vous expliquer ce qui est entré aujourd'hui en milieu chrétien. Et donc, pendant que Moïse grandit, il naît, c'est à 40 ans que la Bible déclare qu'il eut 20 ans cœur d'aller visiter ses frères. Mais avant qu'il ne vienne à 40 ans, 39 ans, les Juifs mouraient, naissaient là-bas, mouraient en esclavage. Pas vrai, frère? Ils mouraient en esclavage. 40 ans, 41 ans, ils meurent en esclavage. Moïse va dans le désert, il vit 41 ans, 42 ans, 43, 44. Les gens sont allés mourir en Égypte en esclavage, tout en criant que: Seigneur, sauve-nous, enlève-nous, qui va nous enlever de ces jours des Égyptiens? Pas vrai, vrai? 43 ans, 45 ans, 46 ans, 45, 50 ans, les gens ne font que mourir. 60 ans, les gens ne font que mourir. Il y a une génération que Dieu veut traiter avec eux. Il n'a pas maintenu tous les Juifs qui sont en Égypte pour qu'ils soient vivants jusqu'à ce qu'ils voient la génération. Pas vrai, frère? Les gens sont morts. Et ceux-là sont morts dans l'esclavage. Le peuple que Dieu devait délivrer devrait être là. Le législateur devrait être là. Le roi qui doit s'opposer à Dieu devrait être là. Il faut que tout soit là pour qu'il vienne sur la scène. Et c'est lui qui prépare toutes ces choses. L'Écriture dit à Pharaon: j'étais suscité à dessein. Donc même le père de Pharaon et sa mère, le jour de leur rencontre, c'est Dieu qui a mis l'enfant Pharaon. Quand il a grandi, c'est Dieu qui l'a mis sur le trône. Et donc, 80 ans, Moïse, je suis descendu pour délivrer mon peuple. Mais même si Moïse était fâché un peu, comment il dit que ouais, il forme les armées, il pouvait s'en sortir devant Pharaon? Parce que c'est une histoire spirituelle. Quand c'est une histoire spirituelle, même si tu portes tout le peuple mendiant, les gens de la Nubie, de France, il parle pour combattre, il va perdre parce qu'il sera en train de combattre Dieu. Même s'il vient dans la nuit, il forme les Égyptiens, les Juifs contre les Égyptiens, ils essaient de combattre de toutes leurs forces, le peuple de Dieu, ils seront battus. Parce que ce n'est pas le temps de Dieu. C'est ça qui a fait que nous sommes entrés avec les terminologies et les technologies modernes dans les choses de Dieu, les choses de l'esprit. Il y a un temps pour toutes choses. La Bible déclare que: mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le sein maternel. Si le met dès le sein maternel, ça suppose que tout ce qui va lui arriver a un objectif. Tout ce qui va lui arriver a un objectif, jusqu'à ce qu'il grandisse. Il doit rencontrer le moment où il doit rencontrer. Et si ça arrive qu'il entre dans son ministère, c'est pas ce moment que Dieu dit que qu'est-ce qu'il va faire maintenant, son temps est arrivé. Non, frère, Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne veut pas sur le chantier dire qu'il faut qu'on fasse ça comme ça. Avant que vous ne soyez, il a préparé tout ce que chacun va faire. Donc il n'est pas là en train de réfléchir que quand l'apôtre Paul va agrandir maintenant. Mais le voici qui est allé à Damas, qu'est-ce qu'on va faire? Frappe sur la route, c'est prédestiné. Tout ce qui doit toucher, c'est prédestiné. Et donc, lorsqu'il dit à Moïse: descends. Moïse dit quoi? Qui va descendre avec quoi? Il dit: tu m'envoies en Égypte. Il dit: on va les délivrer avec quoi? Il s'attend à ce que Dieu lui dise que va former les gars de Banzani. Tous les enfants là, fais-les faire les pommes. Quand ils seront musclés, ils vont aller buter. Il dit: toi là, tu as quoi en main? Frère, prends le bâton. Donc, quelqu'un depuis le bâton qui nous dit chaque fois qu'on dit: recule-toi là-bas. Recule-toi là-bas. Dieu aussi, il attend. Recule-toi le bâton là. Recule-toi. Il dit: avec ce bâton là, va délivrer mon peuple. C'est-à-dire que le bâton qui tape le mouton chaque fois avec, dans le désert, il dit: va délivrer le peuple avec ça. N'est-ce pas, frère? Va délivrer le peuple. Il guette le bâton, il guette Dieu. Vous devez croire Dieu à ce moment-là. Vous imaginez que quelqu'un vous dit, vous connaissez, ou bien, soit la Russie, soit les États-Unis. On dit que va en Russie. Tu dis au président Donald Trump, comment s'appelle le président de la Russie, que ce soit la dernière fois que tu persécutes les chrétiens. Vladimir Poutine, c'est ça? Lui, il a les chats, les antiques. Il te dit, Dieu te dit que tu as quoi? Il dit que tu as le big. va, tu pointes le but dans le nez. Tu dis que Dieu te dit que c'est la dernière fois où tu touches les chrétiens. Tu vas réfléchir par trois fois. Tu vas dire que Dieu, c'est vraiment toi qui m'as fait. Tape mon pied, qu'il sent que c'est toi. Parce qu'il dit des choses qui ne sont pas conventionnelles. Alors, lorsque le Saint-Esprit n'est pas à l'œuvre, personne n'a le droit de faire l'œuvre pour le Saint-Esprit. Il faut qu'il soit là. Parce que lui, Jésus a dit à ses disciples, vous n'avez pas encore demandé quoi que ce soit. Le Père, quand le Consolateur viendra, il vous conduira. Il n'a pas dit que vous devez marcher dans la vérité. Il vous conduira dans toute la vérité. Donc quand les chrétiens marquent un pas dans la vérité, c'est le Saint-Esprit qui est censé le conduire. Il vous rappellera. Voilà son rôle. Toute chose. Il prendra de ce qu'il a moi, il vous les donnera. Tout ce que le Père est à moi. C'est pour cela qu'il dit, il prendra ce qu'il a moi. Il vous dira ce qu'il aura vu et entendu. C'est parce qu'il écrit, frère. Amen. Je ne vous laisserai pas offrir, non. Je viendrai à vous. Le Seigneur Jésus, sachant que la mission qu'il envoie les apôtres faire était une mission spirituelle, savait qu'ils avaient besoin du Saint-Esprit pour avancer. Sans le Saint-Esprit, ils ne pouvaient pas bouger. C'est pour ça qu'il a dit, attendez jusqu'à ce que vous soyez entourés, revêtus, que vous portez le nouveau habit du royaume. La puissance du Saint-Esprit dans ce livre de Luc, chapitre 24, le verset 50. Jusqu'à ce que vous soyez, verset 49, verset 50, jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Parce que quand le Saint-Esprit vient, il dirige les gens dans les voies qu'il veut qu'il dirige. Si ce n'est pas comme ça, chacun va rester comme ça là. Il dit que sortons deux à deux. Toi et toi, vous allez au quartier en bas. Toi et toi, tu restes au carrefour. Quand les gens passent, donnez-leur le tract. Voilà comment on fait. Donnez-leur le tract. Il faut qu'on positionne ces quartiers ici comme ça là. On dit maintenant, chaque fin, contribuez pour le ministère. Hein? Chaque personne donne 1000 francs. On va écrire marqué paix pour Jésus. Douala pour Jésus, c'est le fait. On va aller marcher. On marche. Opération Jéricho. Opération Jéricho n'a été qu'une seule fois dans les Saintes Écritures. On n'a plus jamais répété cela. On ne répétera plus jamais cela parce que Jéricho, c'est Jéricho. Douala pour Jésus. Douala pour Jésus. Pendant qu'on a dit défiler, il y a les fantômes parmi. Avec le même truc avec Jésus derrière. Douala pour Jésus. Les fantômes en plein jour. Vous contribuez 1000 francs, vous êtes 100. 1000 francs fois 100, ça fait combien, frère? 100 000. Voilà, 100 000 qu'on a fait pour le chico. Lui, il a acheté à 500, il vend à 1000 francs. Un profit de rêve. Vous défilez comme ça, eux, ils ne sont pas dans les rues. Allez chercher. Vous voyez quand les banques sont vides, vous n'avez pas le cœur de Dieu. Quand les chaises sont vides à l'église, vous pensez que ceux qui sont dehors sont où? Donc, quand ils sont dehors, ils périssent. Quand ils sont dedans, ils sont sauvés. C'est ça, frère? Et ceux qui sont à l'intérieur sont plus périssants que ceux qui sont dehors. Alors, on a des problèmes. Jésus dit, allez et faites de toutes les nations de disciples. Il n'a pas dit à tout le monde. Parce que faire des disciples implique l'autorité spirituelle correspondante. Il s'agit d'une transformation de l'être intérieur par des prédications de l'esprit. C'est en quoi consiste donc faire des disciples. Faire des disciples ne vient pas de faire. Ça ne veut pas dire que je lui ai dit que Jésus est bon, Jésus l'aime. Il faut être détourné de tout. Je ne sais pas ça, on ne fait pas des disciples comme ça. Il faut quelque chose correspondant derrière. Il faut une derrière qui catapulte ça dans le cœur pour convaincre ces gens-là, d'accord? Et donc, s'il n'y a pas ça, tout ce que vous faites là, c'est la littérature. Vous construisez les gens sur l'intelligence. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, l'apôtre Paul dit que quand j'étais au milieu de vous, ma parole et ma prédication ne reposaient pas sur des discours persuasifs qu'enseigne la sagesse. Parce que c'est comme ça, les Grecs, tu vois, les gens mémorisent les citations des philosophes, et ainsi de suite, épicuriens, stoïciens, ainsi de suite, pour pouvoir développer des débats. Quand vous faites des débats avec eux, ils peuvent débattre avec des pensées de Platon, de Socrate, ils n'ont pas venu avec cela. Mais c'est une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne fût pas fondée. Et si ta base, c'est la connaissance livresque, tu n'iras pas nulle part. Parce qu'il y a des confrontations spirituelles que tu dois avoir, tu vas voir effectivement qu'il va falloir que tu déposes ça. Dépose ton intellect, descende jusqu'à ce que l'homme intérêt soit renouvelé. C'est pas comme ça, vous n'irez nulle part. En conclusion, nous avons besoin du Saint-Esprit. Et en conclusion, le Saint-Esprit ne vient que pour ceux pour qui Christ est mort à la croix. Souvenez-vous, il n'est pas mort pour tout le monde. Il est mort pour le monde, pour réconcilier le monde avec lui, pas pour tout le monde. Gardez bien vous cela à l'esprit. Vous voyez la différence, n'est-ce pas? Vous comprenez la différence, n'est-ce pas? Il est mort pour réconcilier le monde avec lui, mais il n'est pas mort pour tout le monde. Une question? Oui, mon cher. Quand un enfant de Dieu, un chrétien, et peut-être en erreur, il commet des choses qui ne glorifient pas Dieu, comment n'a-t-il pas la force de pouvoir se ramener vers son créateur, vers son sauveur, pour dire Seigneur, ce que tu as fait, tu te glorifies pas, tu comprends? J'ai qui ne te glorifie pas, écoutez-le-moi et pardonne-moi. Vous entendez qui dit là-bas? Vous entendez ce qu'il lui dit? Je suis à côté de lui, je ne l'entends pas. Frère, viens t'asseoir par ici, on sait pas bien parler. Là, il y a de l'air, n'est-ce pas? Assieds-toi bien, d'accord? Parle en l'air, regarde la bonne. Oui, ma question est la suivante. Est, quand un enfant de Dieu tombe, par exemple, commet des choses qui ne glorifient pas Dieu, et comment a-t-il pu ce même zèle qu'il avait quand il priait, il se possédant pour devant le Seigneur, il dit au Seigneur, aie pitié de moi. Tous les enfants de Dieu sont comme ça. Je ne sais pas. Parce que tu as dit, c'est comme si tu as dit les généraliser tous les enfants de Dieu. Non. Prends ta Bible alors. Il me dit que comment un enfant de Dieu, quand il tombe, il fait des choses que Dieu n'aime pas. Il ne dit pas ceci. C'est comme ça que vous faites. Tu as vu, il y a un problème déjà. Quand tu as dit, c'est comme ça que tu fais. Brice, c'est comme ça. Hein, Moïse? Quand toi tu fautes, qu'est-ce que tu fais? Quand tu commets la faute, qu'est-ce que tu fais? Je le prends. Il me reprend. Il a dit que c'est pas comme ça que tu dois faire. Il dit que c'est pas comme ça que tu fais. Que le courage, n'est-ce pas? Quand tu pêches, tu as le courage de lui dire. On va donc traiter l'esprit d'accusation. C'est ça dont on va voir. L'esprit d'accusation. Merci, Père. L'esprit d'accusation. Merci, Père. Prenez les Bibles, on va voir dans l'esprit d'accusation. C'est ça qui amène ceci, d'accord? L'esprit d'accusation. Tu commences à ouvrir, il a dit qu'on ouvre quelque part. Le frère ouvre ici, parce qu'il cherche, il donne un Corinthien. Est-ce qu'il donne un livre? Moi, mais j'attends que le livre vienne. Toi, tu as ouvert un Corinthien. L'esprit d'accusation. La mort de Jésus, notre Seigneur, à la croix, a octroyé la vie éternelle pour ceux qui s'est acquis définitivement et pour toujours. Ça, c'est notre paix de manger dans l'évangile. La mort de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix a octroyé la vie éternelle pour ceux pour qui il est mort pour toujours et définitivement. Définitivement. Notez Romains chapitre 8. Romains chapitre 8. L'esprit d'accusation. Si vous permettez, on travaille vraiment sur ce thème-là, l'esprit d'accusation. C'est que le frère est en train de dire, beaucoup de chrétiens passent par là. Il y a des gens qui savent qu'ils ne vont pas faire quelque chose, qu'ils ne doivent pas faire quelque chose. Et quand ils font ces choses-là, ils ont tellement de remords qu'au point où ils ont peur même de lire la Bible. Ils disent que non, je suis indigne de lire les Saintes Écritures. Encore moins m'adresser au Seigneur. Voilà un grand danger. J'ai dit quel livre déjà? Oui, notez Romains chapitre 8. Notez cela. Notez 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Notez aussi 1 Jean chapitre 1 Jean chapitre 2. Notez le livre de Zacharie au chapitre 3. L'esprit d'accusation. Un bon exemple, pour commencer, c'est l'histoire de l'apôtre Pierre avec le Seigneur Jésus. C'est l'histoire de l'apôtre Pierre avec le Seigneur Jésus. Si vous lisez dans les Saintes Écritures, lorsque le Seigneur doit quitter le monde, il commence à donner les prophéties à tout ce qui va leur arriver. L'un de vous me trahira. Ah, qui Seigneur? Dis-nous, on en finit avec lui. Ah Seigneur, je dirai partout. Vous vous souvenez de ce monsieur-là? J'irai partout, même s'il faudrait mourir. Dis-toi. Avant que le corps ne chante combien de fois? Tu vas me nier combien de fois? Tu as dit quoi? Il lui a donné ce qui est écrit dans le livre de sa destinée. Parce que dans le livre de Zacharie, il est écrit « Frappe le berger et les brebis vont disperser. » Par conséquent, personne ne peut résister à ce moment-là. Il les a conduits seulement à Gethsémané pour presser l'huile. Vous savez, il fallait presser l'huile, n'est-ce pas, frère? Pour presser l'huile, ils n'ont pas pu tourner le motif de 2 heures. 1 heure, c'était terminé. Ils étaient au sol. Presser l'huile. Gardez-vous à l'esprit que la Bible déclare que le Seigneur Jésus-Christ a prié au point où la sueur a commencé à se coaguler en devenant quoi, frère? Je veux que vous m'expliquiez comment de ces pores s'y sortent du sang. Des grumeaux. Le sang coagulé. Et où a jeté ses manées, le pressoir de l'huile. Et donc ce soir-là, quand il m'a dit, il a dit toutes ces choses, ah non, non, non, quand tout ça, une occasion de chute pour moi, jamais pour moi. Il dit, toi, il oublie que le Seigneur leur avait dit que Satan les a réclamés pour les cribler comme du froment. L'esprit d'accusation. Satan les a réclamés pour les cribler comme du froment. Il dit, mais j'ai prié pour toi. Parce que c'est lui la cible. C'est le capitaine de l'équipe. Le principe est clair. Frappe le berger et les brebis vont se disperser. Il dit, le diable vous a réclamé pour vous cribler. Dans celui de Luc chapitre 21, verset 33. Il dit, le diable vous a réclamé. Vous a réclamé. Quand il marche sur la terre, il sait ce qui se passe dans le spirituel. Non. Quand il avait fait la même chose avec Job, Job était au courant. Non. L'esprit d'accusation. Alors, lorsqu'ils sont tenus là-bas ce soir-là, le Seigneur lui a dit, il t'a demandé pour te cribler, pour vous cribler comme du froment. Mais j'ai prié pour toi. Jésus n'a pas prié pour tous ses disciples, il a prié pour Pierre particulièrement. Maintenant, à ce moment-là, une servante est venue dire, celui-ci aussi, il était l'un d'eux. Il dit, mon ami, on t'a envoyé. Bah, parmi tous les gens qui sont ici, là, c'est, j'ai la face de Marquero. Il dit, je ne le connais pas. Au nom de Jésus, je ne le connais pas. Il sort. Pendant qu'il dit, mère, le gars, si tu vois ça, il parle comme les Galiléens. Tu n'es pas parmi eux, là. Il dit, on vous a envoyé sur moi ce soir. Deuxième fois, il ne savait pas ce qu'il y a de il ne savait pas qu'il allait vivre, c'est qu'on venait de lui dire quelques heures plus tôt. Il dit, l'esprit d'accusation, c'est ça. Et puis, à un moment donné, donc, quand il est entré à l'intérieur, le Seigneur était couché là-bas en train de revoir. Pendant que le sang de couler sur ses visages, en dans ses yeux, il guette pour voir ce qui va arriver. Quand en troisième repli, le gars a laissé le chauffeur, le gars Wanda, comment quelqu'un le guette au travail, il fait, mais Pierre, c'est pas toi, Pierre, qui marchait partout avec le Seigneur partout. Là, il dit, on va envoyer derrière moi ce soir, c'est comme ça là. Lorsqu'il a fait ça, le corps a fait. Le Seigneur a appuyé les yeux, le guetté. Quand ses yeux se sont croisés avec lui, il est sorti. La Bible déclare qu'il allait pleurer amèrement d'avoir renié son Seigneur. Quelqu'un qui disait de son propre courage que quand il faudra vivre, mourir avec lui, il ne pourra fuir. La persécution de la soirée n'était pas humaine. Jésus leur avait dit que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Donc c'est la victoire, la courte victoire pour insinuer la défaite totale de la cohorte satanique. Il dit, c'est l'heure de la puissance des ténèbres. C'est l'heure de la puissance des ténèbres. Là où il croit avoir la victoire. Là, personne ne pouvait le faire. C'est seulement lui parce qu'il s'agit du combat d'ordre spirituel de la dimension des dieux. Aucun être humain ne pouvait tenir cela. Ça l'a appuyé au point où le sang du sauveur sortait au travers des ports pour couler là-bas à Golgotha. Pour toi et pour moi. Et donc, regardez, observez l'apôtre Pierre. Maintenant, l'apôtre Pierre fuit, il va dehors, il pleure amèrement. N'est-ce pas, frère? Amen. Le péché qu'il a commis là, c'est le plus grand des péchés, pas vrai? Amen. De rejeter le Messie. N'a-t-il pas fait cela, frère? N'a-t-il pas rejeté le Messie? Il a nié ne pas le connaître. Vous niez Jésus. Ouvrez votre Bible. Ouvrez Jean chapitre 3. Jean le chapitre 3. Le chapitre 3. Lisez-moi le dernier verset du chapitre 3, c'est-à-dire le verset 36. Lis-moi ça, mon cher Brice. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Je recommence. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie. Mais la colère de Dieu demeure sur lui. Vous avez entendu? Tu étais avec Jésus qui, moi, Moi, j'avais déjà des personnes comme ça pour te protéger. Il dit, celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Mesurez bien le prix de ces gens de verset. Donc c'est grave pour ceux qui ne croient pas. Ah non, j'ai ma mère. Elle aimait tout le Seigneur, mais sauf qu'elle était catholique. Oh non, non, non. J'ai mes frères, il ne dérange pas. Il lui manque seulement des trucs de venir à Christ. Il n'est pas à Christ, la colère de Dieu demeure sur lui. Fin de citation. Donc, quand vous voyez tous ceux qui sont à côté de vous, même si on se moque de vous n'importe comment, on se rit de vous, on vous raille n'importe comment, vous avez la chose la plus précieuse de l'univers qu'ils n'ont pas. Amen. Il dit, si vous fixez vos regards et vos cœurs sur leur standard, sur le standard des hommes, vous allez vous regarder comme les derniers. Et en fait, nous sommes effectivement les derniers, les balayeurs de ce monde-ci. Parce que nous ne sommes pas classés selon les standards de ce monde-ci. Notre mesure, le trait des jauges que nous mesurons avec, ce n'est pas le standard de ce monde-ci. Parce que si c'est le standard de ce monde-ci, eux, ils ont réussi. Les balayeurs, c'est pour ça que tout ce qui est dans ce monde-ci, c'est contre les chrétiens, tout. C'est fait pour nuire et persécuter les chrétiens. Tout ce que vous voyez découvert là-bas, c'est contre les chrétiens et contre le Seigneur. Eh bien, lorsque c'est fait ainsi, c'est pour nous montrer que nous ne sommes pas de cette terre-ci. Maintenant, si nous voulons marcher avec le Seigneur de la bonne façon, la Bible déclare que ceux dont là qui croient en lui ont la vie éternelle. Ça ne s'octroie pas sur la terre. Il n'y a pas de source de ça sur la terre. C'est divin, ça vient du trône. Et pour que ça vienne du trône, il faut qu'il te donne l'opportunité de croire en lui. Et si tu crois en lui, tu te trouves en territoire ennemi, il y a un style de vie, une façon de vivre. Il y aura des embûches quelque part, des opprobres de la part des hommes, des pièges tendus pour te faire tomber. Et nous tombons très souvent. Le problème, c'est l'esprit d'accusation qui nous maintient dans cet état-là. L'apôtre Pierre a dit, ah, je ne le connais pas. Quand il est entré dehors, en train de pleurer, pour lui, il croyait que c'était fini. C'est ça le vrai problème. C'est cet état-ci. Pierre n'est pas revenu au Seigneur. N'est-ce pas, frère? Quand il est ressuscité, les femmes sont venues lui dire que Pierre, on l'a vu partir, il ne croit pas. Pas vrai? Il allait là-bas, lui-même, il l'a vu. La Bible dit que quand il a vu le tombeau vide, il ne savait pas quoi penser. Il est rentré chez lui tranquillement. Reste tranquille qu'on va tout voir ici dehors. Mais qu'est-ce qui se passe? Quand il s'est réuni avec les autres disciples, ils sont restés comme ça, ils ne savaient plus où, par où aller, quelle direction prendre. Vous savez ce qu'il a fait, frère? L'ancienne nature est. Dans l'ancienne nature, il faisait quoi? Péchait. Si vous lisez Marc chapitre 10, verset 28, il avait dit que voici, nous avons tout quitté. Nous avons tout quitté pour te suivre. Je lui ai dit, il n'est personne qui a quitté son père, sa mère, ses terres, ses enfants et autres. À cause du moi et à cause du royaume, les gains au centuple, avec des persécutions des terres, des mains, ainsi de suite. Et dans les siècles à venir, la vie éternelle. Mais dans ce livre des Jean, chapitre 21, la Bible déclare qu'ils ont dit que je m'en vais pécher. Vous voyez ce qui arrive aux disciples? Je m'en vais pécher. Qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur localise partout où ses enfants se trouvent. Quand ils ont allé pécher, la Bible déclare, Jésus n'est pas venu dire que je vous avais dit quoi? Je vous avais quitté ce travail-là depuis. Il est resté là-bas, lui me l'a brisé le poisson pour eux. Pas vrai, frère? Ils étaient en train de pêcher le poisson qu'ils cherchaient. Jésus n'est pas allé plonger dans l'eau. Il était là-bas, en train de briser. Vous pensez qu'il a pris le poisson, vos frères? Les a-t-il accusés? Jean chapitre 21. Jean, le chapitre 21. Que le Seigneur vous bénisse. Merci pour cette question-là. Vous savez, chaque soir, il vous dit, y a-t-il des questions? Je vais tester pour voir à la quelle direction le Seigneur veut que nous travaillons. Y a-t-il des questions? Je me mets à prier pour voir jusqu'à quel niveau, jusqu'à quelle direction veut que nous travaillons. Et s'il veut encore travailler dans cette direction, il donnera des moyens pour nous travailler. Et ça, il s'apprend que c'est le besoin de l'heure. Maintenant, chapitre 21, à partir du verset 1. Après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et deux autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Écoutez cette phrase-ci, je vais pécher. Si vous lisez Luc chapitre 5, la rencontre avec le Seigneur, Jésus avait dit, désormais tu seras pécheur d'homme. Et voilà qu'il est encore entré dans la pêche physique. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Après qu'il ait rejeté le maître, je vais pécher. Il lui dit, nous allons aussi avec toi. Vous voyez ce que le capitaine peut faire, n'est-ce pas? Il a traîné tous les gens encore dans le trou des poissons. Et il sortit et montait dans une barque. Et cette nuit-là, il ne prit rien. exactement comme lors de la première rencontre avec le Seigneur, n'est-ce pas? Verset 4. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Il lui répondit, « Non. » Il leur dit, « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait le dit à Pierre, « C'est le Seigneur. » Alléluia. Amen. Et Simon Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de la terre que d'environ 200 coudées. Vous y êtes? Lorsqu'il fut descendu à terre, il vit là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Mais cette personne qui était assise à côté du filet, en lui demandant, vous n'avez rien à manger. C'est le poisson que vous voulez chercher ici dehors, oui. Je vais vous en donner. Vous pensez qu'ils peuvent manger ce qu'ils ont tiré, frère? Ça peut le satisfaire? L'oisivité. Quand vous êtes appelé et que le Saint-Esprit est là, vous ne serez pas oisif. C'est pour ça qu'il y a un enseignement sur le contre de l'oisivité. Dont ce même apôtre s'y a donné. Et si ces choses-là sont en vous, elles sont en abondance, il ne vous laissera point oisif. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Il a compris. Il fallait qu'il entre dans ces choses-ci. Maintenant, continue. Jésus, verset 10 maintenant. Jésus leur dit, apportez des poissons que vous venez de prendre. Simon Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet, plein de 153 grands poissons. Et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit, venez, mangez. Et aucun des disciples n'osa lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Donc, ça se passait à haut, à l'intérieur. Chacun était là comme ça, chacun savait. Vous savez, souvenez-vous de ceci. Le Seigneur ressuscité est différent de celui qui était mort, pas vrai? Tu crois ça, frère? Le Seigneur ressuscité est différent de celui qui était mort. Celui qui était laid, dont la barbe on avait tiré avec les trucs là. Il est différent, pas vrai, frère? Le frère a du mal à croire. Il a des rires. Il a du mal à croire. Oui. Pourquoi il ne le reconnaissait pas? C'était différent. Applaudissez pour le frère. Donc il n'a pas du mal à croire. Applaudissez pour lui. Donc il lui pose la question. Il dit, le Seigneur ressuscité est différent de celui qui est mort. Il me regarde comme ça, il fait la bouche comme ça, comme un Yéman. Et puis il lui demande que tu as du mal à croire. Il dit, j'ai du mal à croire. Il dit, pourquoi il ne le reconnaissait pas? Il dit, parce qu'il était différent. Ah. Vous savez, dans Luc chapitre 24, comment il marche avec ces deux personnes-là? Il marche pendant des kilomètres. Bonsoir, bonsoir monsieur. Qu'est-ce qu'il y a que vous rentrez comme ça dans un village, le visage tout défait comme ça? Le Wanda se sur le gars, c'est le type-ci. Tu es le seul qui séjourne à Jérusalem, c'est parce qu'il est arrivé. Il dit, encore quoi donc? Il dit, ce qui est arrivé à Jésus, c'est à lui qu'on s'adressait comme ça. Il n'est pas ni frère. En plein journée, il marche avec eux, il parle. Qu'est-ce qui est arrivé? Il dit, merde, vous ne connaissez pas Jésus? Il marche, il parle, il fait le miracle. C'est à lui qu'ils ont dit comme ça. Qui était-il, frère? 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 nous dit, j'ai pas de mal que vous allez noter, si vous notez, je suis de vous là, vous êtes des secrétaires seulement ici, là. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 dit, si nous connaissions quelqu'un selon la chair, maintenant nous ne le connaissons plus comme ça. Et même si on a connu Jésus selon la chair, maintenant on ne le connaît plus comme ça. D'accord, mon cher? C'est le disciple ici qui a identifié que c'était Jésus. Celui qui, dont la Bible déclare que le disciple que Jésus aimait le plus, c'est lui qui a pris Apocalypse. Quand il a vu la taille de ce Jésus-là, la même personne qui versait sur la terre. Tu as vu comment il s'est présenté, non? Il avait le visage comme le plein, son visage brillait comme dans le soleil lorsque ça brille dans toute sa force. Quand il parlait, c'est comme le bruit des grosses eaux. C'est comme ça qu'il était sur la terre. Ses pieds étaient ardents comme s'il était brisé dans une fournaise. Pas vrai, frère? Ah, le Jésus ressuscité. C'est pour ça que c'était mieux pour nous qu'il aille là-bas. Parce qu'étant là-bas, on a vu des cas qu'il est monté afin de remplir tout en tous. Là-bas, étant là, il était la contenance. Dieu était en Christ. La plénitude, c'était là-bas. D'accord, frère? Voilà. Et donc, ici, la Bible déclare, chacun disait, pensait que savait que Jésus était là-bas. Verset 13, Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la troisième fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15, si vous voulez entendre parler de l'esprit d'accusation. Verset 15, après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, regardez tout attentivement. La Bible nous a décrit au verset 1 qu'il y avait là Simon, le jumeau, les fils des Zébédée et les autres disciples s'est tourné vers Simon Pierre. Suivons très bien, très attentivement. Il dit à Simon, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Vous entendez ça, frère? Qu'est-ce qu'il dit? Jésus lui dit, paie mes agneaux. Ça fait combien de fois, frère? Verset 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Puis elle lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Gardez le mot agneau, puis brebis. Et gardez-vous à l'esprit que le diable les avait réclamés pour les cribler. Le Seigneur a prié pour que la foi de l'apôtre Pierre ne se défaille point. Vous y êtes? Verset 17. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Vous avez ça, frère? L'esprit d'accusation ne vient pas du Seigneur. L'esprit d'accusation ne vient pas du Seigneur. L'ennemi utilisera toujours nos fautes pour nous accuser auprès du Père. Et à chaque fois, quand c'est hors de notre force, le Seigneur nous vient toujours en aide. C'est comme ça dans les Saintes Écritures. Qu'est-ce que le Seigneur doit faire? Tu m'as régné trois fois me connaître. Pourtant, tu m'aimes. Moi, je t'aime. Je t'aime. Je t'aime. N'est-ce pas, frère? Pourtant, il aimait. Donc, dans son être, l'apôtre Pierre aimait le Seigneur. Mais les difficultés présentées par l'ennemi, il ne pouvait pas accepter la carte là. Vous servez Dieu sans esprit. Quand la personne va venir du domaine spirituel, vous allez quitter. Vous ne pouvez pas vous attacher. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous comprenez, frère? Si vous lisez le livre d'Ézéchiel, chapitre 8. Chapitre 8, chapitre 9, chapitre 10, puis chapitre 11, dans le livre d'Ézéchiel. Vous voyez cet ange-là qui passe dans la ville pour mettre le sceau de Dieu sur les serviteurs de Dieu, n'est-ce pas? C'est ceux qui soupiraient dans la ville. Avant que le fleuve ne vienne pour frapper. Quand le fleuve est en train de frapper dans la ville, on ne sait pas ce qui est en train de se passer. Mais en toi, des fois, on se trouve les anges qui sont en train de frapper, n'est-ce pas? Puisque quand on met le sceau, personne ne sait qu'on. Vous, physiquement, on ne voit pas qu'on est en train de mettre le sceau. Mais le prophète est en train de voir parce que dans son corps spirituel, on ne voit ce qui est en train de se passer. De la même façon comme le souverain sacrificateur servait avec les gens là-bas dans le temple, il y avait beaucoup de figures, donc avec des blasphèmes là, avec Horus Septentrion, cette idole de la jalousie qui pousse la jalousie et amène que la gloire de Dieu quitte cette présence là. Alors quand ça se passe ainsi, les choses se passent dans l'esprit. Vous voyez, c'est comme en Floride, c'est pas dernièrement, il y a eu des inondations aux États-Unis, vous vous souvenez, n'est-ce pas? J'ai tenté de voir un journal. Ah, vous voyez ces choses-ci. Quand il y a la détresse, et que vous savez que c'est spirituel, la seule chose à faire, prier. Souvenez-vous de cela. Quand il y a la détresse, vous êtes au courant que ici, cette détresse est d'ordre spirituel, c'est-à-dire que c'est sous le contrôle du Seigneur. N'essayez pas de courir. Priez pour que Dieu vous conduise. Il dit bien, priez pour que Dieu vous conduise. J'ai regardé là le jour, j'ai vu cet homme. Vous savez, ces gens de moto, tricycle qui... Il y a une roue et puis une autre roue devant. Trois roues là, les biscuits à trois roues. Voyez, le vent en train de secouer le cocotier, ça renverse les maisons. Ça voulait renverser sa moto. Ça veut, le vent en train de pousser comme ça. Il est de ce côté-ci pour soutenir pour que le vent ne puisse pas toucher. Or, frère, il est en train de voir le vent. Ce sont des êtres qui sont en train de travailler. Finalement, cette chose a eu raison de lui. Ça l'a appuyé au sol. Il a éclaté comme du verre de terre. Vous voyez ce qu'il en est? Et or, les gens sont évacués dans la rue. Quand j'ai vu ça en plein direct sur la télévision, j'ai dit, voici ce qui arrive aux êtres humains sur la terre. En fait, je tente de parler de cette truc d'Ézéchiel que vous comprenez. Ce sont des choses qui arrivent. Quand vous entendez typhon, que ça fond sur la mer, il y a l'explication scientifique que le vent qui va en cette direction se rend compte que ce sont des êtres spirituels, ce sont des démons. D'accord? Ce sont des êtres qui sont là-bas dans les eaux. Quand l'ange des eaux va frapper l'eau, on va dire que ça va devenir le sang. Les gens vont dire, bon, on dit que non. La coloration ici vient des algues qui sont en bas, les papatagnes. Ils vont dire que quand la coloration, l'imprégnation chlorophyllienne font comme ça, la couleur de l'eau, on a fait le test au laboratoire. Là, pendant qu'ils font le test au laboratoire, l'ange regarde, c'est que vous êtes fort aussi sur la terre ici. Or, la partie spirituelle, on ne voit pas. On va donner l'explication de ce qu'il en est là-bas. Vous voyez ça, frère? Donc, dans le livre d'Ézéchiel, on voit effectivement comment l'ange dit, ne frappe point d'abord jusqu'à ce qu'on ait mis les seaux sur le front de serviteur de Dieu. Quand Dieu est marqué, ça suppose que la détresse ne doit pas être touchée. Or, la détresse est spirituelle. Ça, quand il y a la détresse, on dit que ce sont les êtres qui sont parcourus au milieu pour faire ces choses-là. La seule chose à faire quand il y a la détresse, frère, c'est se mettre à genoux, prier. Crier au Seigneur. Crier jusqu'à ce qu'il réponde. Parce que vous fuyez, vous ne savez pas où vous allez fuir. Quand j'étais au Maroc, j'ai rencontré un garçon qui était du Congo, Brazzaville. Quand son témoignage se trouve sur Bamba Iba, où il y avait une explosion dans leur quartier. Les gens mouraient autour de lui, côté de lui. Il est resté comme ça à l'école. Il est entré parce qu'ils avaient ici. Je crois que c'est les travaux dirigés qu'ils avaient ou ses compositions. Ils sont entrés, ils sont assis en classe sur le banc à trois. Le professeur est venu dire que toi, quitte-toi là-bas et assieds-toi de ce côté-ci. Il s'est levé, quitté là-bas. Quand ça a fait, boum, la déflagration a fait dans ce camp militaire qui avait bombardé là-bas, quelque chose est sorti, une bombe est sortie, venir tracer sur le corps de la personne là où il était assis. Quelques secondes plus tôt. Il coupait la tête de cette personne-là. Fin. Continuer. Ça a raclé tout ce qui était sur cette rangée-là. Maintenant, si le professeur disait, quitte là-bas, il dit, mon monsieur, moi, je suis. Le professeur dit, ok, toi, recule-toi comme ça. Car reviendrait-il, frère, la personne qui est venue prendre là-bas a pris la mort, sa place dans la mort. Ça a traversé comme ça. Là. Tout le monde sortait. Quand il courait, il a vu son ami, il a arrêté comme ça. Là. So, boum! Ça a frangé la personne qui était là-bas. Quand il est monté sur le mur, ça a pris les gens à côté de lui. Les gens mouraient à côté de lui parce qu'il arrivait à la maison. Qu'est-ce qu'il a protégé, frère? Qu'est-ce qu'il a protégé? Aucune chose n'a touché. Ce qui a tué des centaines de milliers de personnes. Juste au point où on a quitté Brazzaville, ça a tombé de l'autre côté de Kinshasa. Mais il était là au milieu. Et maintenant, si vous voulez fuir, vous allez fuir pour aller où? Quand il y a la détresse, pensez au nom du Seigneur. Pensez au nom du Seigneur. Le psaume 105, le verset 4 et 5 dit que ayez recours, cherchez continuellement sa face. Qu'on ait recours toujours de lui. D'accord, frère? Cherchez sa face. Prenez le Seigneur comme notre secours. Le nom du Seigneur est puissant. Et donc, pour cela, il ne faut pas que. S'il y a l'accusation dans ton esprit, on ne peut pas invoquer son nom. C'est ça. Le but de l'accusation, c'est de nous paralyser, d'utiliser le nom du Seigneur. Pas le but de l'accusation. Vous comprenez cela? Le but de l'accusateur, c'est de nous faire perdre l'autorité dans le nom de Jésus. Le but de l'accusation. Le but de l'accusateur, c'est de faire perdre l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Et même si vous déshabillez un policier, en enlevant sa tenue qui est sur lui, il est toujours policier. Parce que, pas vrai, frère? Parce que l'autorisation lui dit qu'il est policier. Il n'est pas policier quand il porte la tenue. La tenue n'est qu'un accessoire pour manifester son autorité. Donc toute accusation contre lui est sans effet. Il est policier. Si vous avez compris, vous comprendrez vraiment. Alors, quel qu'en soit ce qu'un enfant de Dieu puisse faire, même si Satan l'accusait avec raison, gardez bien le mot, avec raison, l'enfant de Dieu a toujours raison devant le Seigneur. Vous pensez ça, frère? Vous croyez? Vous voulez qu'on passe à musée dans la Bible, maintenant, n'est-ce pas? Allons dans le livre des Nombres. Donc vous voyez ici dans ce livre de Jean au chapitre 21 que le Seigneur a rétabli promptement l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, là où il avait été déchu. Quand Satan a eu raison de lui, ah non, non, fuis, quitte le type là, est-ce que tu le connais même? Trois fois, le Seigneur Jésus est venu lui poser la question pour le rétablir. Nombre chapitre 23. Le livre du Nombre, chapitre 23. Quand vous avez le temps, amusez-vous à lire le livre du Nombre. Écoutez très attentivement. Amusez-vous à lire le livre du Nombre. Nous sommes au chapitre 23 du Nombre. C'est ça qui est amusant dans cette affaire-ci. Lisez le livre du Nombre, chapitre 14, 15, puis 16. Je vais seulement au chapitre 23 pour vous montrer quelque chose. Et vous allez voir ce principe dans la Bible. Si vous lisez le chapitre 3, 13, c'est l'envoi des 12 espions. Je crois que le frère tu as... Non, à ce livre-là, tu ne trouveras jamais le nombre de scores. Tu es dans le psaume là. Le nombre, c'est pas derrière. Ah, ça, c'est... Tu étais où là? Ça, c'est psaume. Ça, c'est proverbe. Il dit nombre. D'accord? Nombre, c'est derrière là. Ah, c'est nombre, ça, n'est-ce pas? Ça, c'est le chapitre 14. Je suis en expliquer ici. D'accord? Dans Nombre, chapitre 13, c'est l'envoi des 12 espions. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? Ils vont aller espionner et voir que le pays, effectivement, c'est le pays tel qu'on décrit. Et ils vont voir là-bas d'autres aspects de personnes vont décrire là les enfants d'Anak, dont Dieu n'a pas fait mention dans son envoi. Maintenant, c'est le façon qu'ils vont décrire, ils vont dire que ce pays-là, c'est un pays qui tue ses habitants, ça avale ses habitants. Mais Josué, fils de Nun, et puis Caleb vont dire que le pays est bien, Dieu nous a donné ce pays, allons posséder. À cause de cela, ils vont avoir la bonté et la grâce de Dieu, ils vont posséder effectivement cela. Maintenant, Dieu va les faire, le fait qu'ils ont murmuré, au chapitre 14, à cause de cela, Dieu va les faire tourner 40 ans dans le désert, n'est-ce pas, frère? Les murmures vont commencer là, les serpents brûlants, la tentation de Meriba, quoi, à Massa, ainsi de suite. Toutes ces tentations qu'ils vont faire au point où Dieu va donner les noms des lieux de tentation, ça, c'est avec le juif. C'est le peuple juif et Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez le scénario. Ici, le peuple juif pêche contre Dieu. Au cours de ce chapitre 14, Moïse a dit que pardon à ce peuple-ci. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Maintenant, regardez le chapitre 22, avant d'aller là-bas. Au chapitre 22, Balak va aller chercher Balaam, vous voyez, pour qu'il vienne maudire Israël. Il dit, c'est amusant. C'est amusant. Balaam a-t-il pu maudire Israël, frère? Pourquoi? Frère, pourquoi? Chapitre 23, donc verset 23. Regardez. Regardez. Verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Au temps marqué, il sera dit à Jacob et à Israël, quelle est l'œuvre de Dieu? Vous avez suivi ça, frère? Suivez ce que le prophète dit. L'un des grands prophètes que l'histoire ait jamais eu, Balaam. L'un des grands prophètes que la Bible ait jamais eu et connu. Regardez ce qu'il dit. Verset 24. C'est un peuple qui se lève comme une lionne et qui se dresse comme un lion. Il ne se couche point jusqu'à ce qu'il ait dévoré sa proie, la proie, et qu'il ait bu le sang des blessés. Allez, levez-vous, tentez Israël. Vous voyez comme ils sont petits là, vous allez voir de quoi il est question. Tentez. Même s'il reste deux, ils vont vous traiter. Regardez. Verset 25 maintenant. Balak dit à Balaam, ne le maudis pas, mais au moins ne le bénis pas. Donc ce coutume ne permet pas à maudire. Laisse comme ça les bénédictions. Qu'est-ce qu'il a dit de dire? L'enchantement n'est plus rien contre Israël, contre Jacob, ni la divination contre Israël. Vous voyez, ça suppose que vous allez dans la sorcellerie. Vous essayez d'attaquer. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Parce que Israël ici est physique. Il vient ici construire l'autel. Pour que la parole des malédictions puisse être dressée contre Israël, afin que la destruction entre dans ce peuple-là. Ça, c'est la sorcellerie. Il dresse l'autel, il se met, quand il se baisse, le Saint-Esprit se manifeste là-bas. Il dit que Israël, mais personne ne peut contrôler. Il ouvre la bouche. Il dit Israël, que tu voyais là, personne ne peut le toucher. Balak va dire, mais il t'a donné la nourriture comme ça pour que tu me bénis ou tu maudis. Dieu dit, dans ce livre des Nombres, il dit qu'il ne voit point d'iniquité en Israël. C'est quand même contrastant, pas vrai? Déconcertant. Pour quelqu'un qui se tourne là dans Moïse, il dit que ce peuple, ce que tu as fait sortir de l'Égypte, c'est un peuple au cou roide. Si ce n'était pas toi, il devait d'abord les dire, d'abord, quitte devant moi, je l'ai détruit. Et puis, Balaam est de ce côté, il faut dire que béni, que maudit soit ce peuple si haut. J'ai dit que mon ami, ils n'ont pas péché. Vous êtes où là maintenant? Vous pouvez savoir donc si ce n'est pas la miséricorde de Dieu qui parle en faveur d'Israël, comment il devait décimer. Vous voyez ça, frère? Donc l'accusation contre un enfant de Dieu par l'ennemi ne donne pas nécessairement l'accès à Dieu de le laisser détruire. Et personne ne peut détruire un enfant de Dieu, même par l'accusation. Notez Apocalypse chapitre 11, on arrive. Chapitre 12, verset 11 et suivant. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 16. Vous voyez, depuis, ça on est de glisser, il vient dans l'ancien testament, vous prendre ces aspects pour vous montrer. Quand on va toucher la nouvelle alliance, vous allez comprendre le pourquoi, justement. Vous allez comprendre le pourquoi. En fait, non, si il dit maintenant, c'est qu'on pourra s'arrêter là-dedans. Mais permettez-moi qu'on construise doucement, doucement, d'accord. Ici, Israël a des péchés contre Dieu. Le prophète lui-même intercède auprès de Dieu, au Seigneur. Si tu ne veux pas que toi, si vous lisez Exode chapitre 33, il va dire au Seigneur que si toi-même tu ne marches pas devant ce peuple-ci, ne nous fais pas partie d'ici. Sinon, comment serons-nous que nous avons eu grâce devant tes yeux? Tu as dit que tu ne me connais pas à ton nom. Le Seigneur dit que moi-même je marche devant toi. Mais au jour de la vengeance, je ne punirai de l'iniquité. Mais un autre prophète tient ici. Il bâtit le terrain. Il met 7 brebis là-bas. Quand il met le feu, il se prosterne comme ça devant Dieu. Ses yeux s'ouvrent. Dieu lui dit, je ne vois point d'iniquité en Israël. Ça, il dit bien ça, c'est des versets déconcertants. Qu'est-ce que Dieu est en train de montrer? Parce qu'on a accusé Israël pour pouvoir le maudire, pour pouvoir le détruire. Mais Dieu dit qu'il ne voit point d'iniquité. Pourquoi Dieu n'a pas détruit Israël? Pourquoi il n'a pas profité pour dire, ok, voici l'ennemi a été réclamé. Je vous tue. Voilà, vous avez péché, je vous tue. Pourquoi? Répondez, vous pouvez voir, frère. Pourquoi? Oui. Parce que c'est le peuple élu de Dieu. Si c'est le type de peuple élu de Dieu dans l'Ancien Testament, à combien faire aux hommes, celui qui est racheté par le sang précieux du Créateur lui-même. Romains chapitre 8, disons cela. Quoi que ce soit de tourner autour du pot. Allons-y. Apocalypse chapitre 12, verset 11 à 16, c'est ce qu'il dit. Romains chapitre 8. Écoutez très attentivement maintenant. Maintenant, on va commencer là où on commence souvent. Tu parles. Regardons le verset 28. Nous savons, du reste, que toutes choses, quelqu'un dit y compris les accusations. Nous savons, du reste, que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Un. De ceux qui sont appelés selon son dessein. Deux. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Vous avez compris le groupe là, non? Maintenant, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a. Souvenez-vous du temps du verbe. Souvenez-vous du temps des verbes. Il les a aussi justifiés. On commande un peu. Vous allez avoir des problèmes maintenant. Nous allons avoir des problèmes avec la Bible maintenant. Je veux une femme et un homme se lèvent de façon délibérée, debout. Je vais poser des questions. Ouais. Les frères, il dit qu'une femme et un homme. Les frères se tournent, regardent les frères pour voir si un frère va s'élever. Les femmes se retournent pour regarder. Voici deux personnes qui sont debout, n'est-ce pas? Je vais leur poser des questions. Vous êtes d'accord avec moi? Hein? Ou mieux, je vais vous poser la question à vous qui êtes assis. Ces personnes qui sont debout sont-ils des chrétiens? Oui. Ces personnes qui sont debout sont-ils des chrétiens? Oui. Vous pouvez dire avec certitude? Pas t'en effet comme ça là. Tu vas t'en aider, je te pose la question directement. Tu peux dire que ceux qui sont debout sont des chrétiens? Comment tu as encore vu, frère? Tu demandes, tu fais encore doucement. Donc, ce sont des chrétiens. Même si c'est des soifs demain, tu ne vas pas dire que tu crois que c'est un frère. Parce que les choses, quand se passe maintenant, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose qui ne va pas désormais, il dit, je crois que c'est un frère. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Parce qu'il y a des faux frères. N'est-ce pas, frère? Bon, maintenant il y a un problème. Il se réclame des chrétiens. Tu n'as pas autorité pour dire qu'il n'est pas chrétien. S'il se réclame du Christ. Parce que s'il invoque le nom du Seigneur, son Seigneur est le nôtre, la Bible s'applique à lui. La personne qui peut l'excuser, c'est le Seigneur. Parce qu'il a dit que lui, il dit, je connais ceux qui m'appartiennent. Donc sur la base qu'ils sont chrétiens, la Bible dit d'eux que Dieu les a connus d'avance. Et si Dieu dit qu'il les a connus d'avance, il dit qu'il les a appelés. C'est pour ça qu'il les a appelés. Le Saint-Esprit explique dans les Saintes Écritures qu'il les a appelés par l'Évangile. Pas vrai? C'est deux. Quand il les a appelés, ça veut dire qu'il les appelle du milieu du monde. Pas vrai? Lorsqu'il les appelle, cette œuvre-là, c'est l'œuvre de la grâce. Parce que le jour qu'on parle, vous êtes au milieu des gens. Le jour qu'on parle, vous êtes au milieu des gens. Dieu ouvre votre cœur comme il a fait pour Lydie. Cette porte-là, il va falloir huiler la porte-là. voyez, il va falloir huiler, mettre de l'huile sur ses poils que ça fait passer bruit là. Donc le jour où on prêche et que celui-ci vient au Seigneur, ce même jour on a prêché, le même message qu'il a fait venir au Seigneur, d'autres ont écouté, ça ne les a absolument rien dit. Pas vrai, frère? Ok. Donc c'est l'œuvre de la grâce dans sa vie. Maintenant, initialement, il est sale. Il est pécheur, pas vrai? Écoutez bien, là, on est en train d'aller maintenant. Initialement, nous sommes. Tu as cru à quelle année, frère? C'est là, 3 années. 3 années. Donc nous sommes en 2018, donc en 2015, c'est ça, n'est-ce pas? Nous sommes en 2015. Ce frère, si on lui prêche que Jésus est mort pour eux, ou n'importe quoi qu'on lui a dit, il accepte, il croit. Maintenant, il se rend compte qu'il est pécheur. Peut-être il a pleuré dans sa chambre, je ne le vois pas comme il est musclé comme ça là. Il a pleuré grave. J'avais bien pleuré. Tu parles, tu peux imaginer. Il a pleuré parce que c'était amer, tellement amer. Il ne comprenait pas. Pourtant, le style de vie qu'il vivait, dans le monde, il dit que non, je suis un viveur. Pas vrai? Là, c'est un mourreur. C'est que les gens disent dans le monde qu'ils vivent là, ils meurent seulement, pas vrai? Chaque jour, ils disent que je croque la vie. En fait, ils avalent la mort. Alors maintenant, ce frère-ci, en 2015, donc, quelque chose arrive. Et là, il entre dans le salut. Dans ce salut, donc, Dieu lui donne l'information qu'il a été justifié. C'est à cet instant où on se trouve, n'est-ce pas? Maintenant, il y a un problème maintenant ici. Le temps du verbe, c'est dans le passé. N'est-ce pas, frère? Amen. Ce temps du verbe, c'est dans le passé. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que... Si le Seigneur peut faire comprendre ces choses-ci dans le monde aussi, frère, les chrétiens vont se réveiller dans la puissance du Saint-Esprit. Amen. Regardez, il dit, j'insiste sur le temps que de la conversion de ses frères en 2015. En 2015, il pleure, il est en train de pleurer amèrement dans sa chambre. Il dit, oh Seigneur, je ne savais pas que pitié. Pas vrai? 2015. C'est en 2015 que Christ est allé à la croix, frère. Non. C'était quand? Venez vous asseoir, il vous dit quelque chose de bon. Voilà, voici donc tout l'évangile donc déposé. Ça suppose que le frère si a été sauvé, mais il ne savait pas seulement qu'il était sauvé. Vous voyez le problème, n'est-ce pas, frère? Il dit, ça veut dire qu'il était sauvé, mais il ne savait pas qu'il était sauvé. On l'a réveillé. On l'a réveillé. Il est maintenant conscient qu'il est sauvé. Parce que Christ n'est pas plus à la croix. Il est allé à la croix. La Bible déclare que ceux qu'il a appelés, il les a. Pas qu'il va les appeler et puis il va les justifier. Il les a justifiés. À quel moment? Notez 1 Corinthiens chapitre 6. 1 Corinthiens chapitre 6. Il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Il va te prendre, il va te laver, tu parles. Il t'a lavé. On y va. 1 Corinthiens chapitre 6. Écoutez encore. Tu peux lire. Hein, frère David. Écoutez, 1 Corinthiens chapitre 6. Je veux que vous lisiez le verset 6. On va lire jusqu'au verset 11, d'accord? Le verset 10 et 11 nous intéressent. Mais au préalable, commençons par le verset 9, d'accord? Tu vas bien lire de façon fluente. Allons-y, verset 9. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 9. Ne savez-vous pas que les injustices n'hériteront point de rien? Ça va. Bon, c'est bon. Frère Donatien, tu peux nous lire ça. Il dit que les injustices n'hériteront pas rien. Allons-y ici. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume de Dieu? Oui. Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Stoppons d'abord là-bas. C'est important. Maintenant, il faut qu'on s'arrête d'abord, on pose la question. À qui, premièrement, l'apôtre Paul s'adresse? Là, aux chrétiens de Corinthe. Si ce sont les chrétiens de Corinthe, ceux-ci également sont en train de vivre à un temps où Jésus-Christ était déjà ressuscité. Parce que Christ, l'apôtre Paul lui-même, est venu quand Jésus-Christ était ressuscité, allé au ciel. Donc, il a donné l'information dans une contrée qui n'est pas chez les Juifs. Ceux-ci n'ont pas vu Jésus-Christ physiquement sur la terre, pas vrai? Il a donné une information. D'accord? Gardez-vous à l'esprit, ça veut dire qu'il se trouve dans le même contexte que nous nous trouvons maintenant ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Ceux à qui on a décrit là n'ont pas vu Jésus marcher sur la terre. D'accord? Maintenant, continuons la lecture là. Et c'est là ce que nous. C'est que vous étiez quelques-uns de vous. Vous étiez quelques-uns de vous. Maintenant, souvent attentivement. Il a dit, l'apôtre Paul leur a informé, ceux de Corinthe, Il a dit que ne savons pas que les injustes ne diront que ni les adultères. Il veut dire que les gens qui sont à Corinthe étaient dans ce style de vie. Nous parlons de l'esprit d'accusation. D'accord, frère? Maintenant, il est en train de leur informer que vous étiez dans ce style de vie-ci. Maintenant, écoutez bien ce qui s'est passé. Allons-y. Et il dit, et c'est là, c'est que vous étiez quelques-uns de vous. D'accord? C'est-à-dire que peut-être ils avaient les impudiques, les adultères et autres là-bas. Nous sommes au chapitre 6, au chapitre 5, il nous montre clairement ce qu'il en est au milieu d'eux, n'est-ce pas? Maintenant, allons-y. Mais vous avez été lavé. Soulignez, avait été. Bon. Ceux de Corinthe étaient allés à Jérusalem pour la purification. Frère, quelque chose s'est passé à la croix pour nous. Amen. Quelque chose s'est passé à la croix pour nous. Amen. Et cette chose, ce qui s'est passé à la croix, fait taire toute contestation, tout esprit d'accusation. L'esprit d'accusation s'arrête à la croix. Notez ça, notez. L'esprit d'accusation s'arrête à la croix. Ou mieux encore, s'est arrêté à la croix. Et puis vous soulignez cet arrêté. Et quand on va rentrer dans le livre de Romains, on va voir ça clairement dit là-bas. L'esprit d'accusation s'est arrêté à la croix. C'est là où ça s'est arrêté. Et ça doit s'arrêter. On ne peut pas continuer ici. On ne peut pas continuer, on ne doit pas continuer ici. Donc, chrétien, cessez avec votre propre accusation. D'accord? Maintenant, il dit, et c'est là que vous étiez quelques-uns de vous. Mais vous avez été lavé. Okay, je pose la question. Les Corinthiens, s'ils allaient à Jérusalem pour être lavés, non. Enfin, il faut que le verset nous dise en comment ils ont été lavés. Il dit, mais gardez bien encore le temps du verbe. Mais vous avez. Il les informe qu'ils ont été lavés. Et puis, il les informe encore qu'ils étaient dans ce style de péché. Le péché qu'il a nommé là-bas, ce style de vie, ce dérèglement qu'il a nommé là-bas au verset 9 et verset 10. Il les informe que, mais vous avez été lavés. Continuons. Mais vous avez été sanctifié. Vous entendez ça, frère? Continuons. Mais vous avez été justifié au nom du Seigneur Jésus-Christ et par l'Esprit de notre Dieu. C'est terrible. Je pose la question maintenant, c'est vrai. Quand est-ce que ça s'est passé? Là, il se pêche là. Quand est-ce que ça s'est passé pour les Corinthiens? À la croix. Notez Galates chapitre 2, verset 20. Notez cela. Notez Galates chapitre 2. Selon pour ça, l'apôtre Paul dira aux Colossiens que rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Vous voyez? Il dit qu'il nous a délivrés. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a, c'est grave frère, le temps des verbes, et nous a, pas il va nous, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. On avance frère. Alors ici se trouve dans le peuple de Corinthe qui vivait dans certains styles de dérèglement. Le style de dérèglement. La peuple informe que vous étiez dans ce style de choses, mais vous avez été lavé. Mais vous avez été justifié par l'esprit de grâce et par l'esprit de notre Père. Qu'est-ce que le frère est en train de faire? Tu viens de le noter? Voilà. Et donc, maintenant, la question, maintenant, c'est vous voyez le temps du verbe ici, c'est le passé. Ceux-ci n'étaient pas à Jérusalem. Ils se trouvent dans un territoire païen. Mais on a de leur informer ce qui s'est passé pour eux. À quel moment ça s'est passé? Quand Christ est allé à la croix. Dans ce Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit cette même réalité-là de lui. Il dit, j'ai été crucifié. Quoi, frère? Avec Christ. Vous entendez cela, frère? Que quoi? J'ai été crucifié avec Christ. Dites-moi, l'apôtre Paul a vu Jésus avec les yeux? Non. Mais il informe qu'il était à la croix avec lui. Et si je vis... Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Il dit qu'il vit par la foi au Fils de Dieu, qu'il a aimé, qu'il s'est lui-même livré pour lui. Il dit que s'il vit, ce n'est plus lui qui vit. Mais pour que Christ puisse vivre en lui, il aurait fallu au préalable qu'il soit crucifié avec Christ. La question c'est, est-ce que c'est vrai pour nous? C'est là où ça commence. Ça veut dire concrètement que, écoutez bien, je veux toute votre attention. Regardez que le frère qui est ici en 2015 en train de pleurer du fait que, oh, j'ai donné ma vie en Christ en 2015. Oh, Jésus m'a sauvé. Il m'a sauvé quand en 2015. Le Seigneur Jésus a sauvé toute l'église le jour où il allait à la croix. Amen. Il a sauvé toute l'église le jour où il est allé à la croix. Parce qu'il allait à la croix avec tout cela. La Bible déclare dans Éphésiens chapitre 1 que c'est pour ceux pour qui quoi, il s'est donné lui-même, qui s'est acquis. Vous voyez, à la louange de sa gloire, il s'est acquis. Il les a déjà acquis. Mais maintenant, chacun se manifeste en son temps. Ce qui se passe, c'est la manifestation de l'œuvre de la croix, dans l'œuvre de chacun, dans la vie de chacun. Il y a des gens qui ne sont pas encore nés, qui vont naître, grandir, entrer dans le péché, Christ, ils vont entrer dans le salut. C'est pas ça, frère? Amen. Voilà. Alors maintenant, ça veut dire que quelque chose se passe en nous, à l'instant où nous croyons. Nous entrons dans la réalité de ce qui s'est passé sans que nous soyons là. Nous entrons dans la réalité de ce qui s'est passé sans que nous soyons là. Vous avez mon frère? Alors dans ce livre de Romains chapitre 8, rentrons-y. Il dit, et ceux qu'il a appelés, il les a justifiés. Ça veut dire que le jour où le frère s'en est de pleurer, il pleure en réalité de larmes de joie du fait qu'il n'était pas conscient de ce que le Seigneur a fait pour lui et il continue à souffrir comme ça. Je vous ai souvent dit ici, comme un peu comme l'administrateur des biens. Comme dans ce livre de Galates chapitre 4, il dit que l'administrateur, que l'héritier demeure toujours enfant, même si tant qu'il n'est pas fils, il n'est pas arrivé au niveau du fils, il ne diffère en rien de l'esclave. Vous avez quelqu'un dans la maison comme Eliezer de Damas, qui était l'héritier d'Abraham, comme Abraham pensait. Et le jeune Isaac est là, il marche partout avec les sandales, il marche partout. Si Abraham n'est pas là, Eliezer va le corriger. Il le corrige pour le faire grandir. Mais ce n'est pas lui qui gère le bien. Je ne parle pas avec l'esprit de sorcellerie. Je dis que quelqu'un veut même tuer le retard pour prendre tout. Hein. Pour quelqu'un qui respecte l'alliance. L'enfant qui est en train de marcher là, si que l'enfant a un an, six mois, c'est lui qui est l'héritier. Mais il appelle enfant. C'est lui qui gère l'enfant. Lorsque l'enfant entre dans la tranche de la conscience, il devient héritier. C'est celui-là qui va le supplier. C'est parce que vous comprenez. Amen. Et donc, ça veut dire que lorsque quelqu'un est conscient du fait qu'il a été crucifié avec Christ, ça change la donnée. Ça change la donnée. L'esprit d'accusation disparaît. Amen. L'esprit d'accusation disparaît. Ça, maintenant, ça dépend de vous, de ce que vous en faites avec votre pensée. Regardez très attentivement, on va y arriver. Regardez ici. Romains 8 encore. On y va. Merci. Notez Romains chapitre 2 encore. Chapitre 2, dès qu'on va quitter, on va y aller. Romains chapitre 8. Nous étions au niveau des justifiés. Verset 30. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Donc il appelle qui, frère? C'est ça choquant. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ce qui est écrit. Il dit, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Ça veut dire justifié, ça veut dire quoi, frère? Déclarer quoi? Non coupable. Bon. Je vous pose la question. À quel moment donc il déclare non coupable? Ici, votre attention ici, c'est ici, c'est pas maman, c'est ici. Laisse la personne là. À quel moment il déclare non coupable? C'est à la croix qu'il a déclaré non coupable. Alors, expliquez-moi pourquoi le frère s'est pleuré en 2015. Comment vous attendez? Il prend conscience. Mais donc, ça veut dire que. Il était justifié, mais il continue à vivre dans un dérèglement alors qu'il ne devrait pas vivre. C'est ce que l'apôtre Paul a invité les Corinthiens à le faire. C'est ce qu'il a invité les Corinthiens à le faire. Vous avez été nettoyé. Vous voulez continuer ce type de vie là. Dans Romains chapitre 6, notez-y, notez. Dans Romains chapitre 6, il dit donc qu'on a été délivré de ces péchés là. Comment vivrions-nous encore dans ces péchés? Donc vous voyez qu'on a été délivré, on est déjà sorti de là. Vous comprenez mes frères? Amen. Donc ici, il dit ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Gardez bien le groupe et l'esprit sur ce qu'il le fait. Je crois qu'à l'entame ici, quand tu posais la question concernant le Saint-Esprit pour forcer les gens, je vous disais ceci. Lorsque on a forcé quelqu'un pour qu'il vienne à l'église, comme les gens font aujourd'hui, quand venant à l'église dimanche, amène les gens, c'est la plus grande faute qu'on fait en milieu chrétien ici. D'inviter son voisin, non, allons au lieu du culte, tu vas entendre la parole, ça va te toucher. La parole qui n'est pas destinée à quelqu'un, vous allez bien prêcher, ça va être bien à son oreille, le sermon là est très bien. Vous savez, je vous ai raconté l'histoire d'un pasteur ici qui allait dans un champ. Je crois que c'était en Papouasie. Il allait dans un champ les brousses où les gens mangeaient des êtres humains là. Il cherchait le moyen par lequel il va annoncer l'évangile. Il a trouvé l'évangile de Judas, il commence à parler de Judas, la trahison de Judas. Il a réuni les gens autour du feu. Il a commencé à leur dire, il y avait un homme qui était méchant. Il s'appelait Judas. Jésus était un homme bon. Il a demandé à Judas de venir le servir. Et c'est même lui, il a tellement fait confiance à Judas au point où c'est lui qui gardait l'argent. Le gars l'a fini par le vendre. Les gars ont applaudi. Toi. Il était surpris. Les gars sont venus vers lui dire, mince, raconte encore son histoire à Judas. Là, Judas doit être un homme intéressant. Où est-ce que ça peut faire, frère, d'essayer de calculer ce que tu vas dire? Il dit, Judas, non. Il faut vraiment imiter l'exemple. Est-ce qu'ils disent au pasteur? Il faut vraiment imiter l'exemple de Judas. Parce que s'il a pu glisser au milieu où même le disciple ne savait pas, même le maître, lui, ne savait pas, juste parce qu'il le vend, c'est que c'est un modèle à copier. Ce qu'il voulait éviter, c'est ce que les gens-là voulaient copier. Ça veut dire que ce n'est pas destiné pour le salut. Même si on dit que voici le feu de l'enfer, tu vas dire que vraiment, dis oui. Donc si on part là-bas, ça va brûler. Oui, tu avances. Comme ça, en avançant. Vous savez, au point où quelqu'un me dit, je reste tranquille un jour, quelqu'un, vous ne savez pas d'où c'est déjà de penser sur de quelqu'un. Il dit, frère Junior, il dit oui. Je crois qu'il va poser une bonne question. Il dit, merde, j'aimerais aller en enfer. Il dit, comment? Il dit, pourquoi? Il dit que là-bas, il va voir Marie Garce, le conseil gratuit là-bas avec les lions CEO. Voilà comment, voilà la motivation de quelqu'un pour chercher qu'il va aller en enfer. Sait-il ce que c'est que l'enfer vraiment, frère? Est-ce qu'il comprend? Est-ce que dans son petit cerveau, il sait de quoi il est question? Un jour, quand j'étais à l'université, il sort. Je suis en train de prêcher au milieu du carrefour, il sort avec la cigarette, il fait. Il vient sur moi. Je dis, oui. Il vient te poser une question, je dis oui. Je m'attends à ce qu'il me pose une question qui va le faire délivrer. Il dit, Judas sera en enfer ou au paradis. Je le regarde comme ça, j'ai encore pitié. Il dit, s'il est au paradis, quel est ton problème? S'il est en enfer, ça te fait quoi maintenant? Vous comprenez cela? C'est ce qui est arrivé dans ce livre des Jean. Dans Jean 21 que nous avons lu là. Tout à l'heure, quand Jésus a restauré l'apôtre Pierre. Quand il a dit que viens, suis-moi. L'autre a dit que, et celui-ci, s'il veut qu'il demeure, qu'il vienne. L'autre a dit que, et celui-là, qu'est-ce qui va lui arriver? On dit, suis-moi. Il dit que celui-là, c'est qui? C'est, tu es là, Seigneur, sauve mon père, sauve ma soeur, elle est gentille. Tu le connais mieux que Dieu? Pointe quelqu'un dans le nez. Dieu dit, je te rappelle que la Bible dit que le cœur de l'homme est méchant et tortueux. Et Dieu a posé la question, qui peut le connaître? Si tu connais plus que Dieu, va lui répondre. Si tu connais plus que Dieu, va lui répondre. Non, ma mère ne dérange pas. Ah, mon père, elle était très tôt dans l'église. Et le premier sorcier du village, c'était lui. On a des problèmes. Donc, vous voyez, quand vous dites à quelqu'un, viens, on part à l'église. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Laissez le Saint-Esprit faire son travail. Les gens vont s'asseoir là-bas, vous dites Amen. Quelqu'un dit Amen, il dit OK. C'est-à-dire, quand on finit de dire une phrase, on dit Amen. Deuxième jour, lui aussi commence à dire Amen. Un de ces jours, il dit qu'il est quoi? Chrétien. Il est chrétien, oui, je me réunis avec eux. Ces réunis ne fait pas de toi un chrétien. Donc, depuis que je suis né, il part à l'église. Point quelqu'un. Dis si à l'église dans ta famille. On ne devient pas chrétien comme ça. Tu dois naître de nouveau. Ça ne dépend pas de ton pasteur. Ni de ta mère. Même si elle est choriste. Voilà. C'est là où on se retrouve maintenant. Voilà le problème de l'église. Vous voyez quelqu'un, vous avez pitié. Il dit que frère Julien souffre depuis longtemps. Pourtant, je suis sorti d'une famille chrétienne. Vraiment, oui. Ok. Je souffre trop. Il dit quoi, ma soeur? Il dit, depuis je jeûne, je prie, j'étais chantre, j'ai chanté ma voix, si j'ai entendu ma voix, yeah. Ça fait de toi chrétien. Si c'était comme ça, c'est que les mouches chantent mieux que toi. Quand les mouches sont sur l'état d'audio, essayez d'écouter la mélodie qui chante. Vous allez comprendre qu'ils chantent vraiment des cantiques. Alors on a faussé tout dès la base. C'est Jésus, notre Seigneur, qui appelle. Amen. Ici, il dit ce qu'il a connu d'avance. C'est-à-dire, lorsque Dieu était seul. Et qui laissait les pensées comme vous pouvez penser avec notre cerveau maintenant. Demain, nous sommes mercredi, c'est ça mercredi. Et que vous essayez de penser, j'ai soin de dire, c'est pas comme ça que Dieu pense. Écoutez bien, je prends dans notre dimension pour qu'on essaie de comprendre. Vous faites votre programme de demain. Que demain matin, assis, je me réveille, je fais ma prière de 5 minutes. Après, je fais le signe de croix. Et puis, je lis ma Bible un peu, deux chapitres, je sors. Ce programme que vous faites là, quand Dieu faisait ce style de programme, s'il n'a pas pensé à toi, tu es fini. C'est de ça que la Bible a dû parler en clair. Il dit ce qu'il a connu d'avance. Ce n'est pas parce que tu es dans une famille chrétienne ni parce que tu pries trop. Parce qu'il y a des gens même qui ne veulent même pas ça, ça les a attrapés. Mm-hmm. Et eux-mêmes, ils ne peuvent même pas fuir. Mm-hmm. Regardez l'apôtre Paul qu'on vient citer dans Galates chapitre 2. Il dit, mais lorsqu'il plut à celui qui m'avait mis à part dès le Saint matin. Donc quand il sort du Saint matin, il est apôtre. Mm-hmm. Il peut fuir sa frère. Non. Mm-hmm. L'eau, voilà. À Jérémie, il dit à Jérémie que va, tiens-toi, parle. Il dit que je suis un enfant. Il dit, ne tente pas de dire que tu es un enfant. Ne tente pas de dire que, avant que tu ne sois conçu dans l'eau, je t'avais établi. Okay. Enfin. Vous voyez ce qu'on en est, frère? Jérémie ne peut pas faire autrement. Alors, selon qu'il a prédestiné, il les appelle. Donc, vous montez, vous descendez, vous allez sauf qu'entendre. Vous mettez votre antenne, ou bien la radio, vous essayez de capter. S'il y a le récepteur à l'intérieur, vous allez capter. Parce qu'il y a le récepteur. Vous allez le récepteur, vous ne captez pas. Votre récepteur, vous ne savez même pas où ça se trouve. Il a dit, mes brebis entendront ma voix, elles viendront. Tu es sa brebis, tu vas sauf qu'entendre. Et il a dit qu'elles vont entendre. La deuxième chose, c'est qu'elles vont venir. Il dit qu'il ne les mettra pas d'eux. Il leur donne la vie éternelle. Tu ne péris plus. Donc quand tu viens, tu as sauf que la vie éternelle. Pendant qu'il prêchait, il marchait là, il faisait route à Jérusalem. La Bible déclare que des grandes foules faisaient route. Quand ils entendaient prêcher, quand un homme a entendu un jour, il a entendu ça dans celui de Luc chapitre 10 là. Hey, Seigneur, n'y a-t-il qu'un grand, un petit homme qui soit sauvé? La façon qu'il a entendu l'évangile de Jésus, il dit à ce rythme-là, c'est que beaucoup de personnes ne peuvent pas entrer. Et Jésus avait passé le temps à prophétiser cela. Il dit que l'âge est spacieux et la voie qui mène à la perdition. Beaucoup de gens entrent sur cette voie qu'on emprunte. Il dit, étroite et resserrée, la voie qui mène à la vie éternelle. Peu de gens trouvent. Il l'a déjà dit que ceux qui vont entrer au paradis sont peu nombreux par rapport à la proportion de ceux qui vont entrer au feu. Non, Dieu n'est pas méchant. C'est que quelqu'un va au miroir. Il se guette comme ça, il dit, merde, une belle créature comme ça, il ne peut pas être en enfer. Vous êtes plus beaucoup Satan. Pointe quelqu'un. Dit la Bible. Dit Satan était parfait en beauté. Il sera quand même dans le feu. Voilà. Lui qui n'est même pas de la création de la boue. Il est fait à base du feu. Nous, on a pris la poussière pour nous faire. Et tu te vends au miroir, tu regardes comme ça. Ajoute seulement 40 ans à ta voix et tu vas encore au miroir, tu vas voir si tu n'as pas fui ton image. Ajoute un peu 40 ans, tu vois les rides qui vont sortir, tu vas mettre les poudres là-bas, même les poudres vont refuser les rides. Et là, on se vante avec cela. Mais il y a quelque chose en nous. La Bible dit qu'il chérit avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en nous. Maintenant, si vous lui appartenez, ce qui arrive, c'est qu'il vous appelle. Quand il vous appelle, c'est-à-dire le moment où il dit, viens, rentre à la maison. Quand vous rentrez à la maison, la Bible déclare qu'il vous a justifié. Continuons la lecture dans ce livre de Romains. L'esprit d'accusation. Romains chapitre 8. Nous sommes au verset 30 maintenant. Donc merci que Dieu vraiment te bénisse pour cette question-ci. Ça va nous permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelé. Vous avez vu ça? Il a appelé. Il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a... Vous allez voir la conséquence de tout ce qu'on a de voir là depuis. Je suis en train de tourner depuis parce que je suis arrivé à sauter ici. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Il va les glorifier, n'est-ce pas, frère? Il les a glorifiés. Soulignez là, ça. Il pourrait prendre encore une et vous parler seulement de cette phrase-ci. Il les a glorifiés. Donc, en clair, Dieu a tué tous ceux qu'il a appelés. Voilà. S'il ne te tue pas, tu ne peux pas vivre avec lui. N'est-ce pas mon frère? C'est ça, non? N'est-ce pas vérité? Après, me poser la question que tu voulais dire quoi pour glorifier. Voilà. Continuons ici. Maintenant, verset 31 maintenant. C'est la conséquence donc maintenant de ce qui s'est passé. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Maintenant, regardez-moi. L'apôtre parle de ces choses. De quoi est-ce qu'il parle? Ok, donc, comme vous avez entendu là-bas, ces choses que vous avez entendues là-bas, vous pouvez donc dire quoi? Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Considérant ces choses, ce que vous venez de lire, vous pouvez donc dire quoi? Puis dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Quelqu'un dit, l'esprit d'accusation n'a point de pouvoir sur les enfants de Dieu. L'esprit d'accusation n'a point de pouvoir. C'est de ça dont il est question ici. En fait, ce que l'apôtre veut développer, c'est que le Seigneur Dieu des armées a son peuple, et il en a fini avec eux et rien ne peut plus les empêcher. Amen. C'est ce qu'il a dit. Il dit que dirons-nous donc à l'égard de ces choses, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous. Lui qui n'a point épargné son propre fils. C'est-à-dire que, regardez bien, le fils de son amour, c'était l'intérieur de Dieu. Il est sorti de l'intérieur de Dieu. Il est sorti dans Saint Jean chapitre 16, verset 27. Il dit, je suis sorti de Dieu. Je m'en retourne auprès du Père. Il est sorti de l'intérieur. C'est l'expression de l'amour du Père. À la croix était accroché l'amour pour les croyants, pour les croyants en lui. À la croix était accroché l'amour. Vous voulez voir l'amour? Il est suspendu là. Et donc, quand cet amour est suspendu, quand il sort de la croix, il répand dans le cœur de tous ceux qui sont issus de lui. Vous comprenez cela? Amen. Dans la Bible, dans Hébreux chapitre 1 et chapitre 2, la Bible déclare qu'il voulait conduire à la perfection les fils. Il a dû prendre une chair semblable à ceux qui étaient là, à la différence du péché, pour délivrer ceux qui étaient tous les jours maintenus dans le lien de la mort. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Et on dit donc que c'est pas aux anges qui vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham. Et si vous êtes de la postérité d'Abraham, ça veut dire que c'est à toi que Dieu est venu en aide. Si je n'ai pas de la postérité d'Abraham, fin de citation. Maintenant, lui, la Bible déclare ici, verset 30. Ah, mon Dieu! Verset 33, on va lire ensemble. 1, 2, 3. Qui a l'image de Dieu? C'est Dieu qui justifie. J'ai vu ça, frère. Répondez alors. Si vous pouvez trouver la personne qui puisse accuser les élus de Dieu, allons-y alors. Vous pouvez, qui va les accuser? C'est-à-dire, écoutez très attentivement maintenant. Regardez-moi. L'accusation se passe lorsqu'il y a un acte posé et un individu a décelé cela. On va porter cela devant un autre individu. C'est ça l'accusation. C'est-à-dire, je vois le frère ici qui a pris le portable de cet autre frère. Cependant que celui-ci en est de chercher ou bien a commis une extorsion ou quoi que ce soit, je viens, je reporte ça là-bas. Je suis en train de l'accuser. N'est-ce pas, frère? Ok. Maintenant, écoutez-moi bien. Si vous fermez votre Bible, même si vous jetez ou bien vous ne venez plus, c'est votre problème, je vous aurais dit la vérité. Vos péchés présents, futurs, ont été pardonnés. Amen. Vous pouvez croire ça, hein? Amen. Vous pouvez croire que le péché que vous allez commettre, si vous vivez jusqu'en 2100, tous les péchés ont été pardonnés. Amen. Le frère, c'est un des péchés. Si c'est en 2100, les péchés ont vraiment été pardonnés. Réfléchis, si tu trouves, si c'est, il y a un problème, tu nous dis, on continue dans les écritures. Tu es bloqué où, frère? En 2000, combien? Présent. Lève-toi encore. Tu as dit que tu es venu en Christ en quelle année? 2015. En 2016, tu as commis des péchés? Oui. Comment tu as fait pour résoudre le problème de ces péchés-là? En pleurant au pied du Seigneur. Comment? En pleurant au pied du Seigneur. Il y a un verset qui dit qu'on dit qu'on pleure, on est pardonné, frère. Je ne sais pas. Et tu pleurais pourquoi? Donc ça dit que tu pleurais comme ça. Quand tu as fini de pleurer, tu as essuyé tes larmes. Pour toi, c'était résolu. Je vous écris ces choses afin que vous sachiez que vos péchés vous sont pardonnés à cause. À cause de. Qu'est-ce qui est écrit, frère? Vous lisez que j'ai la Bible là. Ouvrez votre Bible dans 1 Jean chapitre 2. Toi, reste debout, mon frère. Saint Jean chapitre 2. Vous avez vu le verset 33 de Saint Jean chapitre de Saint Luc de Saint Romain, n'est-ce pas? Qui accusera les élus? Dieu. Puis il répond, c'est Dieu qui justifie. Donc comme c'est Dieu qui justifie et qui vous a justifié, il veut dire il n'y a plus d'accusation contre les élus de Dieu. C'est ce qu'il avait dit. Maintenant 1 Jean chapitre 2. Regardez. À partir du verset 1, petits enfants, permettez-moi de trouver cela. Regardez ce qu'il dit. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le. Jésus. Remarquez très attentivement. Ici, le Saint-Esprit emploie Jésus-Christ le juste. Donc, non seulement ici, le mot avocat qui est mis ici, c'est le même mot pour consolateur, le paraclétus. Ici, c'est avocat. Et ici, ça a la connotation de défendeur. L'avocat, c'est celui qui défend. Si tu as une faute, ici, il est question de faute des enfants du Seigneur. La plus grande de ces choses, c'est que la personne qui est sur le trône qui juge, c'est celui qui est, nous a justifié. C'est-à-dire, j'ai un problème avec toi. Je cours en justice. Et c'est toi qui m'as fait faute. Je cours en justice pour aller porter plainte et que le juste qui est là-bas, c'est ton père. Je me bats là-bas, dit qu'il m'a tapé, il m'a tapé son père, regarde comme ça, dit oui. Il t'a tapé, oui. Frère, il te fera quoi? Vous voyez ce qu'il en est, n'est-ce pas? Ici, la Bible déclare, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Donc le péché est prohibé. C'est ce que l'apôtre Paul disait dans un livre de 1 Corinthiens chapitre 6 que nous disions tout à l'heure là. C'est, le péché est prohibé. Il dit, regardez bien, vérifiez bien les Écritures. Parce que c'est toutes ces choses que vous en avez recevoir comme révélation ne vous donnent pas accès et le droit d'aller pécher. Regardez ce qu'il dit. Il dit, mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Regardez bien. Suivez bien la vie parce qu'il veut lire maintenant. Et si quelqu'un va pécher, nous avons comment? Vous avez remarqué la façon que le Saint-Esprit a dit cela. Il n'a pas dit si quelqu'un va pécher. Parce que si quelqu'un dit, oh, le frère Julien dit que nos péchés de 2000 sang sont pardonnés. Du coup, péché, c'est d'être pardonné, non? Vous êtes dans les bottes, dans le sale drap. Parce que ici, la Bible ne dit pas que si quelqu'un va pécher. La Bible déclare que si quelqu'un a péché. Parce que si tu as péché, il reste une chose qui va te tenir maintenant en captivité, c'est les accusations. L'accusateur viendra dire que tu as dit que tu es enfant de Dieu. Et voilà, tu as péché. Qu'est-ce que tu vas faire? La solution, c'est nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Dans 1 Timothée chapitre 2, le verset 5, la Bible déclare qu'il n'y a qu'un seul Dieu et aussi un seul médiateur, Jésus-Christ. Jésus-Christ. On n'appelle pas là-bas juste parce que là-bas, c'est le rôle du médiateur. Vous voyez le problème? Ici, il est question de celui qui va défendre pour justifier. Ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Là-bas, il est question de l'intercession pour prendre notre place en tant qu'homme. C'est le Jésus-Christ, nous servons. D'accord, frère? Oui. Allons-y rapidement au verset 14, là, regardez. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, ces jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Oui. Vous avez vu cela? Maintenant, regardez verset 12 et puis, je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous ont pardonné à cause de l'âme que vous pleurez. Vous n'avez pas la bonne version. Tu as dit que quand tu as péché en 2016, tu as fait quoi, frère? Tu as pleuré. Quand tu as pleuré, quand tu t'es levé là-bas, tu savais que tes péchés sont pardonnés. Donc, c'est ce que le verset 12 dit. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de vos larmes. C'est ça, frère? Non. Donc, fais attention, veille, t'asseoir. Les tonnes de larmes que quelqu'un puisse pleurer ne fait pas que le péché soit ôté devant le Seigneur. Si c'était comme ça, le péché de Judas devrait être pardonné. Judas Iscariote, après avoir vendu Jésus, il est venu, il a pleuré amèrement. Et plus il pleurait en disant, Seigneur, pardonne-moi, plus on augmentait seulement le péché sur lui. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est ce que la prophétie dit de lui. Que s'il pleure, il prie qu'on augmente le péché. Et que sa prière même devient d'abord le péché. Donc quand il vous l'avoue que Seigneur, on dit tu as péché. Il ne parle pas. Il ne parle pas. Tu meurs d'abord comme ça parce qu'on lui avait dit que c'est déjà grave pour toi que tu naisses. Et ce n'est pas lui qui a fait pour naître. C'est encore le plus grave là-bas. On dit qu'il est né fils de la perdition. Alors les péchés sont pardonnés à cause du nom de Jésus. C'est-à-dire par le sang de la croix. Pas vrai? Amen. Maintenant, tu dis en 2016 tu as péché. Résolvons le problème. Comment le problème de ces péchés que tu as péchés en 2016 ont été résolus devant le Seigneur? C'est vous que je pose la question. En 2016, donc je parle de vous. Parce que je vais répondre. Parce que tu as dit tout à l'heure que tu étais bloqué. D'accord? Je voulais te montrer dans les Écritures comment ça s'est fait. Comment le mécanisme s'est produit. D'accord? Dis-nous, en 2016, quand tu as pleuré comme ça, là, tu crois que tes péchés sont pardonnés à cause de tes pleurs? Non, je ne sais pas à cause de tes pleurs. À cause de quoi, frère? Donc, comme tu as regretté, le verset dit. Je regrette et en regrettant, je ferai au Père Seigneur en demandant qu'il ait compassion de moi par rapport à l'acte que j'ai commis. Mon problème, c'est que quand tu es quitté là, est-ce qu'il t'a pardonné? Bonne interrogation. Donc, nous sommes en 2018, donc tu es en danger. Donc, ça veut dire qu'il ne sait même pas qu'il a été. Le frère, s'il lui faut la délivrance, il vous le dit. Il te faut la délivrance. La Bible déclare sans effusion de sang. Il n'y a, n'est-ce pas, frère? Ça veut dire que s'il n'y a pas un sang qui se verse, il n'y a pas de pardon. Maintenant, si quelqu'un pêche aujourd'hui et qu'il n'y a pas de sang, On peut remplacer ça par le sang de bouc, pas vrai? L'effusion, c'est déjà passé à la croix. L'effusion, c'est déjà passé à la croix. En fait, ce qui implique, c'est que tous les péchés ont été déjà pardonnés à la croix. C'est ça le problème, pas vrai, frère? Ça se pose que même si en 2016, que dit Seigneur, pardonne mes péchés, pour qu'il puisse pardonner, il faut le sang. Vous voyez le problème? C'est un sang éternel, dit la Bible. C'est donc pour cela qu'il fallait que ça ait un temps marqué. Il vient racheter ceux qui avaient cru en lui sur l'ancienne alliance et ceux qui vont croire à lui plus tard. Vous comprenez, un prédicateur dit aujourd'hui que Jésus lui a révélé que si lui n'était pas venu sur la terre, lui pouvait aller à la croix pour les gens. Vous comprenez que quelque chose ne va pas chez les mortels. Alors c'est le sang du Fils de Dieu, le sang éternel. C'est pour ça que le sang ne devrait pas être mélangé avec le genre humain. D'accord, frère? C'est le sang parfait. Ce sang, cet agneau-ci, la Bible déclare qu'il est mis à part dès la fondation du monde. Donc quand tu te mets debout, tu te mets à genoux, tu dis, oh Seigneur, pardonne mes péchés. Quand nous disons pardon aux péchés, ce n'est pas maintenant que Christ va à la croix. Nous demandons miséricorde pour que cet endroit-ci, soit le moment de grâce et de faveur de ce que Dieu a octroyé, pour que ça marche pour nous. Sinon, il aurait fallu qu'il paye encore la croix pour que ses péchés soient pardonnés. Vous comprenez? Hein, frère? C'est tout dur, c'est bloqué. Hébreux chapitre 10, donc. Vous pensez que si c'était comme ça, une femme qui avorte, elle n'a pas fait l'avortement. Elle a tué, pas vrai? Vous allez faire comment, non, pour résoudre ça devant le Seigneur? Tu peux tuer le mouton parce qu'on dit que ce qu'on tue là, c'est pour les démons. C'est-à-dire que si le sang du sacrifice de Jésus ne parlait pas maintenant jusqu'à plus que celui d'Abel, on dit que ce sang-là parle plus que celui d'Abel. Comment le sang-là parle jusqu'à maintenant? C'est-à-dire que c'est encore efficace pour faire la même chose que ça a fait le premier jour. Chapitre 10 d'Hébreux. L'esprit d'accusation. Qui accusera donc les élus des dieux? Hébreux, le chapitre 10. Vous avez noté aujourd'hui Zacharie, chapitre 3, non? On y arrive. En effet, à partir du verset 1. En effet, gardez-vous à l'esprit. Vous pouvez aller directement au verset. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, non l'exacte représentation des choses, ne peut jamais, écoutez très attentivement, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener les assistants à la perfection. Maintenant, je vais relire, gardez-vous les yeux là-dedans, parce que je vais relire maintenant bizarrement. En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, vous avez moi? En effet, la loi qui possède une ombre des biens à venir, vous y êtes, ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre chaque année, amener les assistants à la perfection. Non, ne corrige pas, il dit, il lit de façon bizarre, c'est pour ça qu'il dit, vous suivez. Il lit ça pour que vous compreniez ce qu'on a dit. C'est-à-dire que dans la loi, ce qu'on sacrifiait là, les gens n'étaient pas parfaits. Sous la loi de Moïse, chaque année, les gens partaient pour qu'on tue le mouton, pour que Dieu le soit propice sur le propriétaire. Les chérubins étaient là avec les ailes étendues comme ça sur le propriétaire. Pour couvrir le propriétaire, que tant que celui qui s'assoit sur les chérubins ne vient pas dans la chair pour prendre la table de la chair, la parole fait chair, on ne peut pas être propice. L'âge de l'alliance, ça doit être là. Vous comprenez? La Bible déclare donc que cette loi-là, ça possédait seulement des ombres, des choses à venir. Donc c'était des signes pour présenter quelque chose dont la réalité arrivait. Il dit, sous cette loi-là, on offrait des sacrifices. Ces sacrifices-là ne pouvaient pas rendre les gens parfaits. C'est ce qu'on a dû expliquer. Vous avez bien saisi, n'est-ce pas? On avance. Verset 2. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? C'est-à-dire que si ça rendait les gens parfaits, on ne devait pas dire qu'on cesse. On ne devait pas arrêter. Donc si ça a été arrêté, c'est justement parce que, sous les yeux du chapitre 7 de ce même livre, c'est à partir du verset 11, on dit que c'était inutile à cause de son impuissance et son inutilité. Vous comprenez, n'est-ce pas? Maintenant, il dit autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir? Parce que ceux qui rendaient ce culte, étant une fois quoi? Purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leur péché. Vous avez vu? Donc c'est ça le principe même du nettoyage total. C'est-à-dire que lorsque tu es pardonné, ce péché ne revient plus. C'est pas si vous saisissez. Il dit que si ce sacrifice qu'on fait sous l'ancienne alliance les rendait purs, leur conscience devrait être purifiée. Parce que le but c'est de purifier la conscience. Parce que l'accusateur entre dans notre conscience pour te dire que toi, tu deviens enfant de Dieu. Regarde ce que tu fais. Tu te caches dans la chambre. Un frère t'appelle au téléphone, tu dis que frère, je suis malade. La Bible, tu ne peux pas lire. Tu déposes la Bible de côté. Tu dis que moi, je ne fais pas cela. J'arrive avec cette terminologie-là et ce qu'il faut en faire. Mais ce que vous devez retenir, c'est que le problème d'accusation a été réglé à la croix une fois pour toutes. Amen. C'est ce qu'on a lu dans Romains chapitre 8, verset 33. Qui accusera? Si Christ est fort, qu'est-ce qu'on peut dire à l'égard de ces choses? Si Dieu t'a prédestiné, il t'a appelé, il t'a justifié, il t'a glorifié, dans ces cas, qui va encore t'accuser? C'est-à-dire que, autrement dit, où sont les objets d'accusation? L'accusateur se place là-bas, Dieu dit, je l'ai justifié. C'est pas ça, frère. Amen. C'est-à-dire, justifié, ça veut dire déclaré non coupable. Pourtant, tu as commis. C'est ça, voici la chose qui fait que les intellectuels ne peuvent pas accroître ce livre-ci. Parce que c'est tellement bizarre. Le principe de faire retomber la faute d'une personne sur une autre personne. Et la loi est claire, on ne peut pas porter la même peine plusieurs fois. Comprends ça, frère? Si tu as la purgé ta peine, tu ne peux pas sortir, on te met encore la même peine. Tu avais commis quoi de péché? Tu avais tué. Peut-être que tu as menti. Le mensonge est prohibé d'après la loi de Dieu. Et d'après la loi de Dieu, tu es censé mourir. Maintenant, quelqu'un allait à la croix, il est mort. C'est-à-dire que ce mensonge n'a pas de place. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te condamner pour le mensonge. Maintenant, voici pourquoi les gens vont en enfer effectivement. C'est parce qu'ils ne croient pas au Fils de Dieu. Amen. C'est ce que la Bible enseigne. Donc les gens ne vont pas en enfer à cause du péché, frère. Là encore, tu es encore bloqué. Non, non. Ah, tu as débloqué, donc tu peux continuer ici. Ça cuit. Voilà, ça a cuit. Donc vous voyez que. Voici donc pourquoi je vous dis chaque fois, je vous dis, vous laissez les gens à la mort. Ah non, non, j'ai vu quelqu'un, un homme, il saoule. Bon, s'il ne saoule pas, il arrête de boire, il est quand même sauvé. Non. C'est qu'il est quand même sauvé des accidents et des caniveaux qui peuvent entrer. C'est tout ce que vous avez évité. Le problème de l'âme à l'intérieur, ça doit être résolu à la croix. Amen. Vous comprenez, n'est-ce pas? Et s'il avait été à la croix, le Saint-Esprit l'amènera à l'intérieur de son âme pour lui ouvrir la porte d'entrée. Vous comprenez, n'est-ce pas? Vous voyez une jeune fille avec les nyangas, une jeune fille, non, ne fais pas comme ça. Elle ne fait pas comme ça là. Tu vas la nourrir. Elle ne peut pas changer si l'esprit de grâce n'est pas là. Oui. Ah non, tu fumes, tu vas mourir. Il dit, tu fumes, tu meurs. Tu ne fumes pas, tu meurs. Il a choisi sa voix pour mourir. Donc il a choisi sa voix pour mourir, donc il fume. Écoutez bien ce que je viens de dire. Je viens de dire que les gens, en tentant d'arrêter le péché, n'arrêtent pas le processus et les conséquences. Amen. C'est ça le problème. En tentant d'arrêter le péché, en tentant d'éviter le péché, tu t'appuies sur ta propre force. Amen. Mais ce n'est pas le sang de Christ Jésus à la croix, par la foi seulement en son nom, que le péché perd son pouvoir sur chaque individu. Amen. C'est pas la foi. Si ce n'est pas comme ça, si ce n'est pas exercé, vous faites les efforts, vous allez déjà perdre. Parce que la Bible déclare que je fais ce que je ne veux pas. J'aime Dieu d'après la loi qui est à l'intérieur, mais je trouve dans mes mains une autre loi qui est contraire. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi de Dieu est bonne et moi je suis vendu au péché. C'est-à-dire que le péché est son esclave. Puis il dit misérable que je suis. Donc la conséquence c'est quoi? C'est la mort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut s'abandonner au Christ Jésus. Christ Jésus. Seigneur, je te fais confiance. Regardez bien, c'est aussi simple que laisser l'argent tomber au sol ou bien laisser un nylon tomber. C'est comme ça. C'est aussi simple comme ça. Voilà la solution. C'est-à-dire que il faut qu'il me batte. Il faut qu'il me batte. Frère, je vais m'enfermer dans la maison. Il faut que je m'enferme. Enfermez-vous. Quand tu as fini d'enfermer, le jour d'enfermement, on va sortir, non? On va finir, non? Quand tu vas sortir, quand tu ouvres la porte, tu dis, tchao, le péché t'attend à la porte. C'est pas la solution là-bas. La solution, c'est pas le fuir du péché. La solution, c'est d'abandonner entre les mains du Seigneur. C'est la solution là-bas. Je vous ai raconté l'histoire de ces deux moines-là ici, non? Les moines qui avaient fui, vous savez, les moines vont se cacher dans la forêt. Pour dire qu'en fuyant la forêt, il faut que je... Ça, c'est... La Bible déclare que ces choses-là ont à l'apparence, quoi? Des piétés. C'est ce qu'il appelait là. Qu'ils s'abandonnent au culte des anges. Ils sont à la... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils partent. Vous savez, quand ils portent leur robe là, ils marchent, ils arrivent dans une rivière, ils ont vu une fonte. Ils appellent la bombe, comment on appelle la bombe latino. Vous savez, les femmes qui explosent là, ils ont mis les pompiers partout sur elles. Elle a dit, s'il vous plaît, vous m'avez fait traverser. Il y avait deux moines là-bas. Un moine dit, diable. Parce qu'il ne peut pas toucher à cette femme. Le maître nous a dit que les femmes, quand tu vois, ce sont les diables. Il guette, il dit, le diable, les gars sont derrière, les gars sont devant, et le diable. L'autre a dit, qu'on ne peut pas laisser cette femme ici, là, il fallait travailler. C'est la porte. Oui, il dit, wow, tu as porté le diable. C'est 5 ans touché. Il porte comme ça, là. L'autre porte, il traverse la rigole, il arrive là-bas, il dépose. Quand il dépose, il continue jusqu'à, vous appelez, au monastère. Il dit, tu as porté le diable. Ils arrivent au monastère. Maître, il dit oui. Il dit que tel a porté le diable. Il dit quel diable? On a trouvé une femme là-bas à la rivière, là-bas, à 2 km, où tu avais dit que c'était des diables. Les femmes, il faut les éviter. Il l'a porté. Il dit où la femme? Il dit qu'il l'a laissé là-bas. Il dit et toi, tu l'as amené ici. Donc le problème s'est trouvé en ce monsieur parce qu'il l'avait déjà vu. Comme il a vu la forme, il peut décrire, il peut même dessiner, s'il peut dessiner. Celui-là l'a apporté physiquement, il l'a laissé là-bas. Comme l'image est restée, lui il a dévoyagé avec l'image. 4 ans, l'image sera là-bas. Il peut encore fuir le péché, frère. Donc il a fui le péché en ville. Il allait au champ, au monastère avec le péché. C'est pas comme ça la solution. La Bible déclare que quand vous êtes né, le simple fait que vous êtes venu dans le monde, vous êtes plus mauvais que le venin d'aspic. Et si on casse un, c'est le serpent qui sort. Vous voyez cela, non, non. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais tous sont, écoutez bien le mot frère, gratuitement justifiés. Où est-ce que le Saint-Esprit dit? Tous sont gratuitement justifiés. Mais le vrai problème, c'est que le gratuit là, c'est Dieu qui doit le faire. C'est-à-dire celui qui décide que tu es justifié. Vous voyez les prostituées aujourd'hui. Oh, la femme là est prostituée. Jésus lui dit, les prostituées vont devancer les pasteurs dans le royaume des cieux. Tu te poses la question, comment ils vont faire? Parce qu'il y a des prostituées qui sont destinées à être ses disciples. Pendant ce temps, il y a les pasteurs qui sont là pour chercher de l'argent. Ils prennent la Bible comme ça pour chercher de l'argent. Ils croient qu'en connaissant les versets de lui, en citant les versets de lui, ça fait qu'il entre. La Bible déclare qu'ils connaissent la science de tous les mystères. Ils ferment le royaume à ceux qui veulent entrer. Ils n'y entrent pas. Ils ferment aussi le royaume, la porte, à ceux qui veulent entrer. Les pierres d'achoppement. Alors le problème du péché, ce n'est pas d'essayer de fuir, de contourner. Ce n'est pas cela. Vous ne pouvez pas contourner le péché. Vous dites non, non, je jeûne. Tu as vu moi comme moi, je entre frère, ça entre. La nourriture t'attend. Le jour où tu vas entrer, quand tu vas manger, on va dire, le péché va dire que je disais qu'on continue dans cette voie. Il le jour même. En tout cas, pour vous montrer même que quand vous jeûnez, vous êtes ensemble, d'autres jeûnent sur le même jour, le troisième jour, quand ils sont secs, qu'ils ont le couche de nuit. Le gars dit, je voulais que ta chair soit bien nettoyée pour qu'on fasse ça ensemble. C'est ce jour-là qu'on veut vous donner la nourriture, vous mangez. Il dit, ouais, frère, allô? Vous pouvez parler à frère Junior. Oui, frère Junior, comme ce frère Junior qui donne les songes là. Frère Junior, c'est normal que dans le jour des jeunes, tu as besoin de délivrance. C'est ça le problème. Vous voyez, vous comprenez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Et donc, on n'a pas de force contre le péché. Mais nous avons la force en s'abandonnant entre les mains du Seigneur. Vous me comprenez, frère? Donc, si quelqu'un va en enfer, il ne va plus en enfer à cause du fait qu'il pêche. Parce que tous ont péché sur la base de l'égalité. Mais chacun va aller se retrouver dans le feu à cause du fait que le Fils de l'homme est venu. Ils n'ont pas cru. Voilà ce qu'il en est maintenant avec le sort du monde. C'est ce qui ressort dans ce livre de Jean, chapitre 3, verset 36, nous avons lu. Il dit, celui qui croit en lui a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas en lui ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Parce que la colère de Dieu, la Bible déclare dans Ésaïe chapitre 53, qu'il a plu à l'éternel de l'eau brisée par la souffrance. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Dans le livre de Luc chapitre 19, qu'est-ce que la Bible déclare? La Bible déclare, quand il donnait ses paraboles là-bas, il dit que voici un homme de haute naissance qui est allé pour être investi de royauté, puis revenu ensuite. Il a donné en partant des différentes tâches à ses serviteurs. Il y a des autres qui ont dit que nous ne voulons pas qu'il règne sur nous. Vous comprenez cela? Donc il y a des gens qui ne veulent pas de Jésus. Il dit que ceux-là, amenez-les dans ma présence. Égorgez-les. Donc ceux qui ne croient pas en Jésus, je ne sais pas où ils peuvent s'en sortir. Parce qu'en réalité, le Jésus qu'on traîne dans la rue aujourd'hui, dit n'importe quoi de lui, frère, c'est lui qui sera sur le trône pour juger. C'est-à-dire, si vous le rejetez aujourd'hui comme votre avocat, demain vous le rencontrez comme juge. Et le plus grave, c'est que même si tu te donnes la mort, il va te ressusciter. Même si tu dis que Seigneur, je ne te veux pas, ne me ressuscite pas, il va te ressusciter même dans ton inclusivité. Là-bas, il n'y a pas besoin de foi. Le jour où il va ressusciter les gens pour les juger, tu n'as pas dit que pendant qu'il appelle les gens, les gens refusent de sortir, refusent de sortir. Il dit que les gens vont entendre la voix du Fils de l'homme, ils sortiront du tombeau. Donc, que tu aies cru, que tu ne crois pas, que tu étais athéiste, il va te ressusciter. Jésus-Christ est notre Seigneur. Il est la seule voie de recours de sortir de ce monde. Oui. Donc, ma part de ce que je voulais parler est comme vous avez dit que si quelqu'un croit à Jésus, qu'il est le Fils de Dieu. Oui. Il est sauvé. Il est sauvé. Oui. Donc, ce que je voulais savoir maintenant, c'est à cause de. Donc, du baptême. Oui. Baptême par aspersion et par immersion. Par immersion. Oui, par aspersion et par immersion. Mmh. D'abord, il n'y a pas de baptême par aspersion. D'accord, mon cher. Bon, bon. Oublie ce que les gens ont dit. Oublie. Je crois qu'il faut qu'on nettoie ton cerveau là maintenant. Il n'y a pas l'expression baptême par aspersion, ça n'a pas de sens. D'accord. Baptiser, ça veut dire immerger. Asperger, ça veut dire qu'on asperge comme ça là. D'accord. Vous remarquez très bien qu'on ne dit jamais aspersion, baptême par aspersion sur la tête. On dit seulement aspersion. Donc, ça veut dire qu'on peut asperger sur la main. Comme tu peux t'entamer, on dit qu'il était baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas sortir là-bas que le prêtre là t'a baptisé, frère. Pourquoi vous tendez toujours la tête comme ça? Pourquoi on vous rend têtu? Donc, le mot baptême veut dire déjà immerger, d'accord? Quand vous lisez la Bible, vous voyez que Jean baptisait. On dit Jean immergeait, il plongeait. On voit baptême, ça veut dire déjà immerger. Donc, il n'y a pas de baptême par immersion. Il y a le baptême, parce que baptême, ça veut dire immerger. On n'immerge pas quelqu'un en immergeant. Ça n'a pas de sens. On n'immerge pas quelqu'un en aspergeant, d'accord? Donc, soit tu es baptisé ou tu n'es pas baptisé du tout. Et donc, quand tu crois au Seigneur Jésus-Christ, il a ordonné que tu dois être baptisé. D'accord? Voilà, que Dieu te bénisse. On peut continuer ici. Nous étions dans Hébreux chapitre 10, nous étions verset 3. Que Dieu vraiment vous bénisse et que Dieu bénisse ce frère qui a apporté, se posé cette question. Je vais encore poser une autre question. Il y a encore une autre question à poser. Ce n'est pas dans le cadre. Donc on continue dans ici. Regardons ces grandes choses que Dieu nous réserve là. Regardez, verset 3. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ses sacrifices. Vous voyez le problème que j'avais dans l'Ancien Testament. Souvenez-vous, depuis le verset 1, on a dit la loi qui possède une ombre des biens à venir et non l'exacte représentation de la chose ne peut pas rendre les conscients des gens parfaits par le sacrifice qu'on offre chaque année. Autrement, on n'aurait pas cessé de le faire, pas vrai? Mais on dit, le souvenir de ces péchés-là est rappelé chaque année. C'est-à-dire que, supposons que nous sommes en février cette année-ci. Supposons que c'est en février, chaque février, qu'on fait le moment d'expiation. Vous voyez, en fait, c'est février, si vous amenez vos moutons pour être pardonné. Lorsque vous finissez de faire cela, l'autre février, quand vous venez, vous souvenez que février, vous étiez là. Et lorsque vous souvenez déjà que février, vous étiez là, vous venez de vous souvenir des péchés que vous avez commis. Vous avez des problèmes devant Dieu. C'est pour ça que les brebis, les sangs des brebis n'ôtent pas le péché. Mais quand Christ notre sauveur passait là-bas au milieu de la foule, alors qu'il était lavé le dos rocailleux, Jean s'est tourné vers lui alors que l'étoile a marché au-dessus de lui, il dit, voilà l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Donc voilà, c'est lui. C'est lui l'agneau de Dieu. C'est lui que Dieu a marqué de son sceau, que c'est celui-ci qui ôte le péché du monde. Frère, si ôte ton péché, tu refuses d'accepter qu'il ôte, qu'est-ce que tu vas faire? Le monde est mal barré. Continuons ici. Alors, verset 4. Car il est impossible. Hein, nous voilà. Il est impossible que le sang des taureaux et des boucs quoi? Ôte le péché. Vous avez vu ça? C'est le problème que les gens avaient. Mais maintenant, voici le problème. Ils avaient une cellule gardée où ils devraient être recueillis. Parce qu'ils avaient cru en ce qui était passager. Donc, ils pouvaient entrer dans l'exacte représentation. Ça, si vous comprenez ce que ça veut dire. Ok, si vous comprenez, je continue. Car il est impossible que le sang des taureaux et des boucs ôte les péchés. Ça veut dire que tous ceux qui sont sous la loi, le sang qu'ils versaient, tous les sacrifices qu'ils faisaient, ça n'enlevait pas les péchés. D'accord, frère? Amen. Si ça faisait alors comment? Ça couvrait pour attendre le moment propice. C'est donc pour cela que les portes peuvent ouvrir les lenteaux pour que le roi de gloire fasse son entrée pour le faire sortir. D'accord, mon cher? Amen. Voilà. C'est pourquoi, écoutez maintenant très attentivement. Très attentivement. Et puis là, je vais poser la question. C'est merveilleux tout simplement ceci. La Bible déclare donc au verset 5, il dit, c'est pourquoi Christ, faisant quoi, frère? Non, attendez, n'allez pas vivre dans la maison. Vous voulez pas quoi? Il est quelle heure ici? Je ne voulais pas qu'on aille à une autre partie de cet enseignement. Donc, continuons seulement. Regardez. Regardez très attentivement la façon que l'apôtre Paul a dû l'expliquer. Sous l'ancienne alliance, je le dis de façon simple. Sachez que sous l'ancienne alliance, ce qu'on faisait n'était pas l'exacte représentation. C'est ce qu'il a développé à expliquer. Parce qu'en réalité, sous l'ancienne alliance, si le taureau et les choses que les gens sacrifiaient là enlevaient effectivement le péché, on ne devait pas arrêter l'ancienne alliance. C'est ce qu'il a expliqué. On ne devait pas arrêter. D'accord? Parce qu'en réalité, chaque année, quand ils venaient faire, c'est le témoignage que le péché n'était pas pardonné. C'est pour ça qu'ils ils font ça cette année, ils font l'anniversaire l'autre année. Ils font l'anniversaire l'autre année. Parce que le péché n'est pas ôté. Il dit maintenant, c'est pourquoi Christ. Donc, comme ces choses sont répétitives et c'est permanemment là, il faut que quelque chose vienne résoudre ça une fois pour toutes. Verset 5 donc dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Je vais vous poser une question maintenant et puis je vais vous laisser le chercher. Regardez ce qu'il dit. Il dit, c'est pourquoi Christ, entrant dans le monde. Qu'est-ce que Christ dit? Tu as voulu sacrifier. Stoppons là-bas. Donc en réalité, on vient de vous informer qu'en réalité, même ce qu'on fait sur l'ancien là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Quand tu ris encore mon cher frère. C'est pour cela que ces choses ont été données par des anges. Vous avez moi? Ça, ça vous choque aussi? Ok. Mais ça vous choque. Déchirer à l'eau de Galate. C'est un mot, au moins, c'est un vote. L'Assemblée nationale céleste est tenue. On a dit qu'est-ce qu'il faut faire pour garder ces gens sur la terre? On dit que ça a été donné comme un pédagogue pour nous conduire à Christ. Parce que c'est la, Dieu qui donne la loi, on ne peut pas changer. N'est-ce pas, frère? Amen. La première chose qu'il dit est parfaite et pour toujours. Et ça a été voté au moyen des médiateurs, par les anges, donner le commandement d'ange. Ça vous choque aussi, frère? C'est un peu. C'est Dieu qui a écrit de son gloire. Mais c'est ça dont il y a question ici. Dans les 10 commandements, il y a quelque chose de Dieu et mouton quelque part. Non. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Alors, on dit que c'est pourquoi Christ entra dans le monde et dit, tu n'as voulu, mais c'est terrible comme déclaration, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Puis on met entre parenthèses, ce qu'on offre d'après la loi. Vous avez moi frère? Amen. Les holocaustes, les sacrifices, on offre d'après? Donc il a dit de parler clairement de ce qui est sous la loi. Alors, Christ, c'est Christ qui dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste. Mais en réalité, ces choses présentées étaient des images. Donc derrière les images des sacrifices et des holocaustes, c'était Christ qu'il voyait. Donc en fait, ces sacrifices-là dans l'Ancien Testament, tu parlais de moi. C'est ce qu'il a dit. Mais tu m'as formé un corps. C'est pourquoi j'ai dit, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Dans le rouleau, il est question de moi. Quel rouleau, frère? Quel rouleau? Il est dans le rouleau du livre. Il est question de moi. Donc, là, comme vous lisez le rouleau, c'est de lui dont on parle partout, le mouton, le bouc, le azazel, c'est lui. Dans le chapitre 13 de ce livre-ci, on dit que Christ, voulant sanctifier le peuple, a souffert hors du camp. C'est pour cela qu'on allait brûler aussi. Ah, allons-y là-bas. Allez voir les choses ici. Là-bas. Chapitre 13. Ne fermez pas, on va y revenir là maintenant parce qu'on n'a pas encore touché là, on devait toucher. Regardez. Chapitre 13 des Hébreux, toujours. Vous y êtes? Versets 11 et 12. Regardez très attentivement. Regardez, nous sommes au chapitre 10 et le Seigneur nous a dit là-bas que dans le rouleau, il est question de lui. Parce que toutes les représentations qu'on faisait dans l'ancien alliance, c'était pour le signifier. Tous les gestes qu'on faisait, c'était pour le signifier. Regardez ce qu'il dit au verset 11. Il dit, les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Sous lisez l'ancien alliance, c'est comme ça que ça se passait. Quand on a fini d'amener le sang là-bas, on partait hors du camp pour brûler. Vous comprenez ça, frère? Regardez. C'est pour cela. Donc, cette chose-là était en annonce. C'est quelque chose. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Donc, Golgotha était préfiguré dans l'ancienne alliance. Vous voyez ça, frère? Donc, on traîne Jésus-Christ hors de Jérusalem pour aller le brûler hors de camp. Il faut qu'il accomplisse. Et ils font ça physiquement. En finissant de faire le truc, ils partent mettre sur les cornes comme ça, en mettant le sang, en jetant le sang. Quand ils sont maintenant avec les brebis, les restes des noyaux et autres là-bas, ils partent mettre hors de camp pour brûler. Il a signifié que quand Christ va finir faire la sacrifice ici, là, il va être crucifié là-bas. C'est ce qu'il disait dans la loi sans s'en rendre compte. C'est pour ça que le Seigneur dit ici que quand il est dans le monde, il, dans le livre, dans le rouleau, il est question de moi. Il dit, je voici, je viens pour faire, oh Dieu, ta volonté. Maintenant, je pose la question, quand est-ce qu'il est entré dans le monde pour dire ces choses? Quand il est sorti devant Marie, quand sa terre est sortie, il dit que je viens pour faire ta volonté. C'est ça, frère? Quand est-ce qu'il est entré dans le monde? Quand il est introduit dans le monde, comment? À quel moment? Donc réfléchissez-y, d'accord? Réfléchissez-y. Quand Christ est entré dans le monde, on dit dans ce chapitre 10, on dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste. Vous y êtes? Alors, j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau des livres, il est question de moi. Pour faire, ô Dieu, ta volonté. Maintenant, regardez bien. Verset 8, nous sommes au chapitre 10 maintenant. Que Dieu vous bénisse. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Puis on met entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Réveillez Abraham, réveillez tous les gens là maintenant. Eux, ils comprenaient ce qui arrivait. Mais les gens qui faisaient le peuple, les rituels, comment on fait là, ils ne comprenaient rien à tout cela. Mais les prophètes savaient de quoi il est question. Parce qu'on dit qu'ils sondaient l'époque marquée parce qu'ils arrivaient, parce qu'ils annonçaient. Ils savaient. Regardez, quand Abraham s'est présenté là-bas le jour, il s'est levé ainsi qu'un matin, il a senti son cœur battre parce qu'il savait qu'une révélation était sur le point d'arriver. Il dit, Abraham, il dit, mais voici. Il dit que lève-toi, prends ton fils. S'il dit Isaac, il dit, comment s'appelle Ismaël, le garçon qui court partout, là, il tue les gens là. Si c'était lui, il tuerait sans regret. Il dit, va au péril de Moïja. Sur un montagne, je vais te montrer. Prends ton fils. Il ne parle que n'importe quel fils. Ton unique. Regardez encore là-bas dans Genèse, chapitre 22. Il dit unique, alors qu'il a sur le plan deux fils. Et sur ce plan-là, sur ce rapport, vous voyez le trouble avec les musulmans maintenant. Et sur ce plan-là, Ismaël a 13 ans avant qu'Isaac ne naisse. Mais il dit, ton fils, ton unique. Celui que tu aimes. Puis il dit, Isaac, va le sacrifier. Les masses, ils portent maintenant les holocaustes, ils portent le bois, ils chargent avec ses serviteurs sur cet an-là. Ils marchent, ils marchent. Lorsqu'il est arrivé là-bas, il a vu en vision exactement le lieu qu'on lui avait montré. De cette montagne-là, il s'est tenu au loin, il a regardé. Son fils qui devrait sacrifier s'est trouvé avec lui. Gardez-vous à l'esprit. Je n'ai pas le temps de parler de ces choses avec le Seigneur. Regardez, son fils s'est trouvé là-bas. Les serviteurs étaient éloignés, il les a laissés là-bas. Puis il ouvre sa bouche. Souvenez-vous, la vision lui a dit, va, sacrifie-les. Sacrifie qui, frère? Son fils. Il le regarde, il regarde le garçon là comme ça. Là. Il dit, pardon. Le garçon arrête le feu. Tiens, tiens, tiens. Papa, on part adorer. Papa, on part adorer. Il ne sait pas que c'est lui le mouton qu'on va adorer. Et il s'arrête là-bas, le prophète s'arrête là-bas. Il regarde à l'horizon. Il voit la montagne. Il se tourne, il fait ce qu'il fait. Il dit que, vous, arrêtez-vous ici. Moi et le jeune homme, nous irons adorer et nous reviendrons. Vous avez vu ça, frère? Qu'est-ce que le prophète André dit, frère? Il est question d'aller sacrifier le fils. Mais ce tien-là, il dit, vous, attendez-moi. Nous allons adorer. Le jeune homme et moi, nous allons adorer et nous reviendrons. Je sais pas si vous comprenez, frère. Amen. Ils arrivent pendant qu'ils sont en train de marcher. L'enfant lui pose la question. Vous voyez comment c'est l'André de dormir. Si c'était pour compter les ballons, maintenant, elle va être vigilante parce que si un ballon sort de là-bas, le patron va couper sur son salaire. Là, elle est obligée d'être vigilante. Elle fait même comme ça, là. Vous savez, quand les gens sont en train de surveiller les marchandises, même si le sommet veut, il met les yeux comme ça, là. Il dort. Quand il ouvre les yeux, c'est là que vous comprenez qu'il dormait vraiment. Un est vraiment rouge. Ne faites pas cela. Ces choses, si vous sont en train de, c'est pour restaurer les choses dans l'âme. Alors, cette tenue là-bas, l'enfant lui demande, père, voici le bois pour l'holocauste. Mais où est donc l'agneau pour le sacrifice? On peut adorer, non? Voilà un jeune enfant qui sait effectivement qu'il faut se présenter devant Dieu avec l'agneau du sacrifice. Comment il sait cela, frère? Ah. Et puis il se présente là-bas. Le père le regarde comme ça. C'est lui, il ne sait pas que c'est lui dont il est question. Puis frère, il dit, Dieu se pourvoira. Lui-même. Vous avez vu la façon dont il a parlé? Il n'a pas dit quoi? Il n'a pas dit Dieu pourvoira. Il dit Dieu se pourvoira. C'est-à-dire que le Seigneur viendra lui-même. Comment on va faire pour délivrer les gens? C'est ce que le prophète a parlé. C'est deux prophètes parlant ici. Comment on va faire maintenant qu'on est dans les sales draps sur la terre? Il dit, ne t'inquiète pas mon fils, Dieu lui-même viendra résoudre le problème. Amen. Mais ici, cette représentation qu'ils sont en train de faire là-bas, ils voyaient Christ Jésus. Moïse quittant l'Égypte voyait Christ Jésus. La Bible déclare dans ce livre de Hébreux, chapitre 11, là, verset 11, il dit que c'est par la foi qu'il a, il est parti en Égypte, ne craignant pas la colère de Pharaon. Pas vrai? Amen. Il dit c'est pas la foi qu'il refusa d'être maltraité, et même mieux d'être maltraité avec le peuple de Dieu que de souffrir, que de jouir pour un temps la jouissance du péché. Vous voyez cela? On dit qu'il avait les yeux fixés sur la rumination, aimant l'opprobre de Christ. Comment quelqu'un qui n'a pas encore lu la Bible, il n'y a pas encore la Bible, commence à parler de Christ en Égypte? Il regarde comme ça. Quand il s'est tourné ces jours-là avec cette vision, il a mis le pied sur la pierre. Pam! La vision lui a été apparue. Il a vu Jésus crucifié. Il peut foncer. Moïse. La Bible déclare qu'il aimait, il a vu Christ crucifié, il a vu ce qui va en découdre. Et donc là maintenant, même si n'importe quelle armée qui pouvait tenir contre lui, il ne pouvait pas tenir. Pour ces armées-là, à cause de ce qu'il a vu dans la vision comme certitude. Vous comprenez? Donc la Bible déclare ici, verset 5 du chapitre 10 d'Hébreu, que c'est pourquoi Dieu n'a pas aimé les sacrifices, ni quoi que ce soit, ni rien n'a voulu cela. C'est pourquoi il est venu. Le Christ lui-même a dit que voici, je viens pour faire ta volonté. Donc le Seigneur Jésus, c'est l'expression même de la volonté de Dieu. L'expression de l'amour de Dieu. L'expression de l'obéissance de Dieu. L'expression de la loi parfaite de Dieu. L'expression de la marche de Dieu. Vous voulez marcher comme Dieu veut? Suivez Jésus. Vous voulez être agréable au Seigneur? Suivez Jésus. Vous voulez entrer où Christ va entrer et régner, suivez Jésus. Point. Vous faites autrement. Vous vous trouvez dans la perdition. Amen. Il n'a jamais dit qu'il est un chemin. Il a dit, je suis le chemin. Je suis la vérité. Si en philosophie, on nous a enseigné qu'il n'y a pas de vérité absolue, c'est chez eux. Jésus n'a pas dit qu'il y a une vérité quelque part. Il dit que c'est lui qui est la vérité. Il a dit à Marthe que je suis la résurrection et la vie. Pour que quelqu'un parle comme ça, il faut que tu saches de quoi tu parles. Il dit, je suis la résurrection. Donc tu entres en lui, tu as la vie, tu ressors, tu sors avec le pâturage. C'est le Créateur, sa frère. Continuons. Je crois que je n'ai pas pu vous maintenir pour longtemps. Regardez. Verset 8 encore du chapitre 10 d'Hébreu. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché, ce qu'on offre d'après la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Savron dit, par cette expression, que personne ne faisait la volonté de Dieu. Ça, c'est un. Et le fait qu'il dit, voici, je viens pour faire ta volonté, il vient de dire, tout ce qu'on fait, comme on ne fait pas selon ta volonté, c'est terminé et c'est annulé. Par conséquent, si quelqu'un tient encore le bébé, il en fait pour lui-même. Ou mieux, pour les démons. Maintenant, verset, le volet suivant dit, il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Donc, à l'essentiel, il a dit, voici, je viens. Quand il a dit, je viens, oh, comme on ne peut pas faire ta volonté, je viens. Il n'a pas besoin de dire que je vous annule. Comme il a dit, je viens, automatiquement, l'autre a abrogé. Vous comprenez ça, frère? Ok. Verset 10. Écoutez. Frère, prenez le temps de lire le livre d'Hébreux. C'est succulent. Vous savez, quand vous mangez un plat d'indolé, quand on a mis un peu de crevettes dessus, là, vous voyez l'huile avec les oignons. Quand vous voyez, vous êtes commencé à donner des touches à des conversations à celui qui vous a servi. Que tu connais tel, c'était un tel. C'est qui, cette chose qui vous fait souvent, là, quand vous êtes derrière le plat, là, c'est ça qui me fait quand je suis ici. Regardez le verset 10, maintenant, regardez. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés. Vous savez ce qu'il dit, qu'on a dit là? Dans le simple fait que Jésus a dit, voici, je viens pour faire ta volonté. Comme Jésus est dans la volonté de Dieu, je suis sanctifié. Il dit, la chose est tellement simple et tellement déroutante où ça, tout le monde peut aller en enfer en évitant ceci. Il dit, tout le monde peut aller en enfer. Vous savez, quand on était en enfer à la radio, l'astrologie avec le professeur Emmanuel Knippot, il a dit, en citant le livre de Matthieu, chapitre 1, qu'il a vu le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui, ou bien il a dit qu'il regrette en citant Genèse chapitre 6, et puis il a dit qu'il intime l'ordre, il prend la femme de quelqu'un, il intime l'ordre qu'il est obligé de parlant de Joseph, comme Marie était devenue enceinte, il dit non, qu'il a compris maintenant qu'il est, son Dieu est africain. Il dit maintenant, il a compris maintenant, il est marché chez les musulmans, chez les chrétiens, selon, vous savez ce qui amène ces choses-ci? La Bible déclare, que le Seigneur prend les sages dans leurs ruses. Plus vous étudiez Dieu, pour essayer de comprendre les choses de Dieu, plus il s'éloigne de vous. Grave seulement. La seule possibilité de le laisser agir au travers de vous, c'est pour dire, Seigneur, je ne comprends rien. Essayez de comprendre comment la mouche fait pour savoir que la nourriture était l'endroit. Essayez de comprendre, vous devez savoir de quelle question. Essayez de comprendre ces choses. Essayez de comprendre comment vous coupez votre ongle et que 2 minutes plus tard, ça ne va pas pousser. Et vous coupez la main si vous ne voyez pas l'ongle dedans. Essayez de comprendre ça. Essayez de comprendre. Vous allez comprendre effectivement que vous allez avoir le mot de tête sans jamais rien parvenir. Essayez d'expliquer comment l'eau parvient à se coaguler sur l'air et que tout le nuage, malgré cela, ça ne tombe pas. Essayez de comprendre. La Bible déclare qu'il suspend la terre sur le néant. essaie de comprendre ce que ce néant sur lequel il a suspendu. Pourtant là-bas, il y a les élastiques. Il y a le ressort, frère, dans le néant. N'est-ce pas, frère? Il y a le néant. Il y a le ressort dans le néant. Les ressorts, des gigantesques ressorts dans le néant qui suspendent la terre. Et essayez d'aller comprendre cela. Que non, c'est la loi de la gravitation universelle de Einstein. C'est Einstein qui a créé ça. Non. Alors faisons attention. Faisons attention. La Bible déclare, les Grecs cherchent quoi? La sagesse. Les Juifs, ils déclarent quoi? Nous prêchons qui? Ça fait scandale pour les autres. Pas vrai? Mais quoi pour nous? Puissance de Dieu. C'est ce qu'il en est. C'est-à-dire que vous voyez un intellectuel. Il a dit, vous regardez comme ça. Pendant que tu parles, il regarde si là où tu as parlé falaise, il fallait mettre la falaise ou bien le falaise. Pendant qu'il a dit, imaginez, tu as dit des vérités bibliques là, ça l'égare. Après, tu finis, tu lui dis que lorsque vous êtes là, vous croyez, vous avez la vie éternelle. Il réfléchit comment? Il réfléchit comment pour réussir dans la vie, il faut travailler dur. Il faut bosser. Faire 7 ans d'études doctorales. Et puis tu lui dis que la plus grande chose, la plus précieuse que l'univers puisse avoir, la vie éternelle, il suffit de croire. Et ta tête ne tient pas. Il croit qu'il faut travailler dur pour avoir le salut. Mais c'est donné gratuitement, simplement, par la foi. Vous croyez, vous avez accès. La seule façon d'ouvrir la porte pour entrer à l'intérieur, pour que ça déclenche dans votre vie, c'est avoir foi au Seigneur Jésus. Ça ne peut pas marcher tant qu'on n'a pas foi en lui. La Bible déclare qu'il est impossible de lui être sans la foi. Il est impossible de lui être agréable. La monnaie d'échange là-bas, c'est pas la foi. Et c'est quoi ce style de foi? Ça veut dire que quoi? Même si je ne sais pas comment ça, le mécanisme se passe, Seigneur, je crois. Même s'il ne parvient pas à croire comme il faut croire, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. C'est ça dans cette question. À cet instant-là, vous êtes croyant. À cet instant, vous êtes croyant. Même si vous êtes croyant ou n'êtes pas croyant, au sens, comme les gens disent que non, ma foi n'est pas grande. Ma grand-mère avait une grande foi. Tu avais le trade pour mesurer les foies. Vous avez des balances pour mesurer les foies que ça pesait là-bas. Jésus a-t-il demandé la grande foi à quelqu'un? Il a dit, si vous avez quoi, qu'est-ce qu'il y a entité? Donc, point quelqu'un. Dis, Dieu ne veut pas un grain de foie. Comme le grain de maïs. Mais comme pour le Sénévi. Voilà. Donc, ne sais pas dire que non, frère, c'est toi qui as une grande foi. C'est pas une grande foi. Plus, écoutez très attentivement. Si vous prenez quelqu'un, vous êtes ici, vous avez un immeuble quelque part là-bas. Et on a des dessins sur le mur de l'immeuble. Vous placez les gens depuis jusqu'à l'immeuble. On les classe comme ça en rang à la fin. Chacun va donner et percevoir ce qu'il a de percevoir. Donner sa part de description. On peut écrire, on peut avoir écrit eux là-bas. Quelqu'un a de voir à distance, il voit que c'est C. Parce qu'il est tellement distant qu'il ne voit pas bien la chose. Mais celui qui est devant l'immeuble pourra donner la description de ce qu'il a en voit. Et quand il voit, il va dire, toi qui es derrière, ne discute pas. Parce que tu vas dire, je t'ai dit que c'est C1, je t'ai dit que c'est C, tu avances d'abord, tu vois c'est eux. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc, plus vous grandissez dans la connaissance du Seigneur Jésus, plus vous découvrez des choses terribles qu'il a faites. La Bible déclare que c'est en lui qu'est cachée toute la sagesse. Amen. C'est en lui. Donc, si vous étudiez, vous dites, non, je suis sage, tout ce que vous avez fait là-bas, lui, il appelle ça folie. Donc, comme vous voyez les messieurs qui marchent dans le caniveau, aller chercher des choses à manger là-bas, Dieu dit que c'est ce que tu as de faire en réalité. Mais tu vas faire ça étant avec la veste. Puisque le monde, avec sa sagesse, n'a pas connu quoi? Dieu. Dieu a fait quoi? Dieu les a livrés. Il dit que s'ils n'étaient pas comme ça, s'ils étaient sages, ils ne devaient pas crucifier le Seigneur de gloire. Donc la preuve qu'ils ont crucifié le Seigneur de gloire, c'est parce qu'ils étaient fous. Mais pourtant, vous voyez, des gars raisonnent. Scientifiquement parlant, on peut prouver telle chose comme ça. C'est là les preuves de la folie. Mais je voulais parler un peu. Parle-nous ça un peu. Ce que je voulais dire, que donc, sur la terre, il y a beaucoup de choses que l'être humain ne connaît pas. Bon, toi, attends, je pose la question. Tu connais ce qu'on appelle le quas? Tu entends pas le quas? Oui. Tu entends pas du spin? Tu entends pas du alpha spin? Ouais, le seul truc que tu n'as jamais entendu parler, c'est là. Voilà un exemple seulement que je vais prendre. Tu as parlé des tentats. Voilà les choses. Avec le alpha spin, ces choses, ça déclenche. Vous savez, vous appelez ça, il y a le électromagnétisme ici, le champ magnétique, tout votre téléphone Android, quand ça chauffe. Si vous amenez là-bas, ça peut vous donner le cancer. Avec le alpha spin, vous mettez ici, ça annule tous ces effets. Tu savais que ça existait, frère? Non. Ah, tu ne savais pas, mais ça existe quand même. Donc, ça veut dire qu'il y a des gens qui vont mourir sur la terre sans jamais savoir que ça existe. Ça existait. Et c'est donc comme ça. Ça, c'est les choses que les êtres humains ont créées. Bon, maintenant, il y a en 2018, on vient de découvrir une autre espèce d'animal. Donc, ce n'est pas qu'on vient de créer. C'était là qu'on n'avait pas découvert, n'est-ce pas? Chaque jour, on découvre. Ça veut dire que plus de 6000 ans, c'est là qu'on vient de découvrir celui-là. Donc, il y a des choses que tu vas quitter sur la terre, que tu ne veux pas, même que tu ne veux pas. Tu vas quitter sur la terre, tu ne dois jamais savoir que ça existait. Tu connais ce qu'on appelle l'Amazonie, frère? Tu connais l'Amazonie? Donc, même la chose, je crois que tu ne vois même pas. En l'Amazonie, là-bas, il y a beaucoup de bêtes, beaucoup de choses foraces. Donc, ça veut dire que la terre, aujourd'hui, tu ne dois pas savoir. On te dit que si on raconte l'histoire ici, on dit qu'en Amazonie, sur la terre, vous n'avez jamais été sur la terre. C'est ce que tu vas leur dire, non? Parce que tu n'as pas connu l'Amazonie. Ça veut dire que Dieu ne nous a pas mis sur la terre pour rechercher ces choses qui sont sur la terre. Dieu a dit qu'il y a une chose, que vous pouvez dompter n'importe quoi sur la terre. Mais la langue, là, essaie de dompter. Ça, tu te tournes là-bas, tu dis, oh frère, sois béni. Demain, le frère ne te donne pas la notice, le gars, c'est un gars maudit. N'est-ce pas, frère? Il dit, aucune personne ne peut la dompter. Alors, Dieu ne veut pas qu'on cherche à connaître des choses. Il dit, heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Essaie de chercher seulement à voir. Les bons têtes vont te venir. On peut continuer ici, frère? Oui, il n'est pas fini. Tu n'as pas fini ta question? Il n'est pas fini. Oui, vas-y alors. Et ma question était que, comme tu étais en train de parler là, oui, parce que Dieu a dit que ce qui est en toi dépasse ce qui est au monde. Et pour vivre dans le monde, tu dois simplifier tout ce qui est au monde. Oui. Si l'être humain pouvait comprendre ça, c'est que. Et donc. Il n'y a pas de problème. C'est qu'il n'y a pas de problème, non? Oui. La question alors, c'est quoi alors? N'est-ce pas lui qui m'a interrompu, c'est qu'il n'a pas encore fini sa question? Quelle est donc la question alors? La question. Oui. La question veut dire qu'il faut simplifier. Ok. Donc, voilà la question. Donc, on se fait simplifier. Ça, c'est la question. Hébreux chapitre 10. C'est ça, il me tue, doit expliquer quand on simplifie cela, on comprend tout simplement comme ça, pour qu'on n'ait pas de problème. Tu comprends? C'est ça que ça me dit depuis aujourd'hui. Que c'est qu'on allait, on veut qu'on croit ça simplement. On croit ça simplement. Quand on croit simplement, il n'y aura plus d'accusation. D'accord? Maintenant, regardez ici. Verset 10 encore. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes dans Hébreux chapitre 10. Vous y êtes? Hébreux chapitre 10, verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ chaque année. Une fois pour toutes. La personne s'est en train d'écrire comme ça là. Jésus est sur la terre. Non. Il dit c'est en vertu de cette volonté. Donc le jour il avait dit, voici je viens pour faire ta volonté, c'était réglé au ciel. Tous là sont sanctifiés. Amen. Il dit qu'ils ont été faits comment? Ces personnes ont été sanctifiées comment? Combien de fois? Une fois pour toutes. Quand il dit, quand il prend sa plume pour écrire, personne de nous sur la terre était là. Mais nous sommes en train de lire ça maintenant. Quand il dit nous là, allez, ça tu vas dire nous. Si tu es chrétien, tu es impliqué. Amen. Tu es inclus là-dedans. Vous y êtes? Amen. Maintenant, regardez, verset 11. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices, qui ne peuvent jamais, voyez le mot, jamais ôter les péchés, lui s'est mis pour qui, frère? Lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis le mercredi. Pour toujours à la droite de Dieu. Donc, c'est pour ça, quand vous entendez l'expression, tout est accompli. C'est cette volonté dont il a accompli. Tout est accompli. Maintenant, regardez. Quand il est assis à la droite de Dieu, maintenant, regardez ce qu'il fait. Verset 12, verset 13. Attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Donc, le Seigneur attend tout simplement que le dernier soubresaut de l'ennemi, toute cette vérité-là, se calme. Vous savez, la seule possibilité pour moi de vous expliquer ces choses-ci, c'est lorsqu'on tue le poulet en Dexan. Vous voyez comment ils discutent au marché. Chacun prie pour intercéder que Dieu ne les amène pas dans la marmite. Et puis, subitement, quand on prend le poulet, les gens qui sont méchants mettent sur la tête qui va être traité aujourd'hui. Quand vous coupez le cou du poulet, là, ou bien de la poule, et puis vous le lâchez, quand vous venez le couper, vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il fait? Si les débuts, il court en disant que à moins on coupe ma tête. Ce qu'il fait là, c'est le soubresaut. C'est la dernière respiration, la dernière énergie qu'il a. Au fur et à mesure, ça va se. À un moment donné, il va chuter là-bas. La Bible déclare que Christ Dans le livre de Colossiens, la Bible déclare qu'il a dépouillé les dominations et les autorités et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Quand il a triomphé de par la croix, ça se trouve, la guerre est terminée. C'est pour ça qu'il n'y aura plus de combat entre Jésus et Satan. Il n'y aura plus. C'est pour ça que c'est ici. Et c'est pas un film où à la fin on vient faire que le dernier chapitre, chef bandit. Vous lisez votre Bible, la Bible déclare qu'à un moment donné, on va se mettre au saisir. Vous avez lu ça, frère? C'est merveilleux. C'est terminé. L'accusation est terminée. L'accusation est terminée. Donc tout ce qu'il fait là, c'est le soubousseau. C'est pour ça que dans ces Romains chapitre 8 que nous avons lu, nous sommes arrêtés au verset 33. La suite nous dit que rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ce sera la tribulation, ni la longueur, ni la hauteur, ni la sorcellerie, ni n'importe quoi, mettez n'importe quoi pour vous citer. Il ne pourra jamais nous éloigner de l'amour de Dieu manifesté en Christ Jésus. Comme il nous a aimés pour toujours. Il ne peut pas se régner parce qu'il est fidèle. Vous sentez ça, frère? Ok, maintenant, écoutez. Alors la Bible déclare ici, verset 13, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Maintenant, verset 14, car par une seule offrande, il va amener à la perfection. Il quoi? Il souligne. Donc, par une seule offrande, donc le jour qu'il est parti à la croix avec son sang là, à cet instant, il a déclaré tous ceux qui sont à lui parfaits. Maintenant, si ça peut choquer, brûler la Bible. Même si vous brûlez la Bible quand même, dans la vérité, c'est la vérité. Amen. Alors, par une seule offrande, il a amené à la perfection et ce n'est pas momentané. C'est pour toujours. Maintenant, voici le vrai problème. Maintenant, j'arrive. Le verset suivant continue à dire, c'est ce que le Saint-Esprit aussi atteste. Donc, maintenant, voici donc ce qui arrive. Ce qui arrive maintenant, c'est la conscience du péché du croyant. Donc le vrai problème du chrétien maintenant ne se trouve plus chez Satan, c'est chez lui. Après avoir compris toutes ces choses-ci, les choses se mettent en règle normalement. C'est vrai, on dit que lorsque quelqu'un pêche automatiquement, comme dans ce livre des Romains chapitre 2, la Bible déclare que sa conscience s'entrechoquant et s'entrechoquant tour à tour. Qu'est-ce qui arrive? La personne avec Christ commence à entendre la voix de l'ennemi à l'extérieur, le jugeant à l'intérieur. Dans la voix de sa conscience, en lui disant, tu dis que tu es enfant de Dieu, regarde les choses que tu fais. Tu n'es même pas digne d'être son enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de t'isoler de la grâce. Amen. Amen. Quand il essaie de t'isoler de la grâce, c'est un peu la même façon de voir ceci. C'est quand si vous voyez la télévision nationale géographique, vous voyez des troupeaux d'animaux qui vont à leur chemin. Soit les buffles, ils traversent les eaux, Quand ils traversent les eaux, les obstacles, vous voyez souvent, ce sont les crocodiles et les alligators qui sont là-bas. Les alligators vont se cacher dans les eaux, ils cherchent la part, quelque chose à manger. Ou mieux, quand ils sortent des eaux, maintenant, ils sont là-bas, vous voyez les bêtes féroces, que ce soit les loups, les lions sont là. Le lion, et puis pour voir celui qui est isolé. Quand il regarde celui qui est en train de mettre bas, il dit, voici, soit lui, soit la maman est vulnérable à ce moment-ci, soit c'est le bébé. Ils essaient d'effrayer, les autres fuient, ils isolent celui-ci, ils le frayent. C'est ce que la Bible déclare. 1 Pierre, regardez cela, regardez. Nous sommes dans Hébreux. Allez dire tout simplement, après vous avez trouvé Jacques, puis 1 Pierre, rapidement. 1 Pierre, chapitre 5. 1 Pierre, chapitre 5. Regardez. Vous y êtes. Verset 8 et suivant. Regardez. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Vous avez ce qu'il dit? Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Vous y êtes? Le Dieu de toute grâce qui vous a en Jésus, que vous avez encore vu le mot là, n'est-ce pas? Donc quand Dieu vous a appelé, il ne vous a pas appelé pour vous lâcher entre les mains de l'ennemi. Quand le Seigneur vous a appelé, il ne vous a pas appelé pour vous laisser entre les mains des ennemis. Maintenant, la plus grande des révélations dans ce ministère du salut, c'est que Dieu utilise l'ennemi pour nous fortifier en lui. Amen. Il utilise l'ennemi pour nous fortifier en lui. Si vous dormez dans un quartier, vous dormez tout le temps, vous n'avez pas de problème, vous allez encore prier. Non. Vous dites que non, Seigneur, je suis dans tes bras, il dort dans tes bras. Tu connais déjà que c'est ton enfant. Tu connais que c'est ton enfant. Il dit dans la Bible que si cette femme-là qui vient crier, vous savez, on a lu de Luc chapitre 18, Jésus leur donna ces paraboles pour les montrer, pour montrer à ses disciples, qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il parle de ce juge unique là avec cette femme qui venait demander la partie adverse. Puis il dit, écoutez ce que dit ce juge unique. Et Dieu ne rendra-t-il pas justice à ces élus qui crient à lui jour et nuit? Oui, il les rendra promptement justice. Donc ces élus crient jour et nuit. Non, je suis élu selon Dieu, mangeant et buvant. Quand tu es élu, tu dois comprendre que tu es en guerre. Dans un lit, tu ne dois pas dormir sur tes lauriers. C'est ça le danger. Vous comprenez, frère? Maintenant, quand vous êtes conscient de votre position et que vous êtes en guerre, vous êtes, si une guerre déjeunait ici, et qu'on dit que ce sont les anglophones qui sont en lutte contre les francophones, et que vous, on vous dit que les francophones, les anglophones sont entrés du côté francophone, vous tuez, c'est que tu vas chercher à parler anglais. Tu vas aller dans le miroir, commencer à dire que why are you going? Non, le temps, si, c'est pas le temps. Parce que si on t'attrape là, tu vas parler anglais. Pas vrai, frère? Vous voyez, parce que vous êtes conscient du fait que quelque chose se trouve. À l'instant, vous êtes conscient que vous êtes le fils du roi, vous êtes élu. La Bible déclare que vous devez redoubler davantage de vigilance. Regardez verset 8. Soyez sobre, veillez. C'est pas parce que Dieu vous protège que vous êtes du côté de Dieu qu'il faut laisser négliger. Veillez. Votre adversaire, le diable rôde, cherchant qui il dévorera. Puis il dit, résistez-lui avec une foi ferme. Vous voyez cela, frère? Sachant que les mêmes souffrances sont imposées dans, à vos frères dans le monde entier. Donc vous n'êtes pas seul dans ces cas-là. Tout le monde passe par là. Autrement dit, l'ennemi, le diable, avec toute sa cohorte, sont des instructeurs dans le camp des dieux. Ils font cela et ils ont un très bon salaire, la gêne. C'est là où on se trouve maintenant. Donc, il ne peut pas venir devant Dieu accusé. Et Dieu nous a montré cela. Déjà, avant de sortir dans ce livre d'Hébreux, on a vu que Christ, par son seul, par sa seule offrande qu'il a faite au travers de son corps, a déjà sanctifié. A amené à la perfection. Gardez-vous à l'esprit ceci. À la perfection. Pour toujours, ceux qui sont sanctifiés. Donc, si tu pleurniches ici, tu pleurniches ici. Comme il avait dit à Israël, je ne vois pas en Israël l'iniquité. Il dit, je ne te vois pas de péché. C'est donc pour cela qu'il appelle les chrétiens les saints. Vous voyez le problème, n'est-ce pas? Il dit saint. Il dit non, nul n'est saint. Quelqu'un pour dire pour faire la fausse humilité. Il dit que frère Junior, nul n'est saint sur la terre. Ça veut dire que tu es en train de me dire que je dis que la Bible ment. Pointe quelqu'un. Il dit que si je cherche un saint, nous voici. Ce n'est pas le saint pape. Ce n'est pas l'ancien pape mort. Ce n'est pas quand on meurt qu'on devient saint. C'est quand on est vivant. Voilà. Donc, quand la Bible déclare que les chrétiens sont saints, ce n'est pas parce que tu t'es sanctifié toi-même. C'est en vertu de la sanctification qu'a octroyé le Seigneur Jésus. Amen. Quand il a octroyé cette sanctification-là, il a donné sa nature. Amen. Parce que Dieu a dit dans 1 Pierre que je suis saint, vous serez saint. Dieu dit que vous serez saint. Quelqu'un dit qu'il n'y a nul qui est saint. Donc Dieu s'est trompé, n'est-ce pas? Il dit soyez saints, soyez saints car je suis saint. Le catholique dit que non, on ne peut pas encore être saint. Quand vous allez mourir, on va vous sanctifier. Il faut la délivrance, pas vrai, frère? Il dit saluez-vous les uns les autres. Les saints qui sont à côté vous saluent. Donc les gens de la tombe disent que l'apôtre Paul, comme tu écris là, salue le reste des chrétiens. C'est ce que les saints, c'est les gens qui sont morts qui sont les salués, frère. Que saluer les saints par un saint baiser. Donc tu passes sur la tombe de l'apôtre Paul. Donc, c'est les saints, les cadavres qu'on va saluer. Tout simplement parce qu'on ne connaît pas la vérité qu'enseigne la Bible. C'est ce qu'enseigne réellement les saints écritures ici. Pas le livre Jean des Témoins de Jéhovah. le frère Anneau, il se cache derrière comme ça, il rit seulement. C'est qu'enseigne réellement la Bible ici. Par une seule offrande, le Seigneur Jésus a amené la personne. Écoutez bien, ceci, avec la nature pécheresse que nous avons, c'est incompréhensible. Mais Dieu ne vous demande pas de croire ou quoi que ce soit. Il donne ses vérités. Donc, il vous informe qu'il a amené pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Si tu es sanctifié sur la terre, tu es sanctifié, sache que tu es à la perfection avec lui. Amen. Donc, il n'est pas de dire que comme tu manges dans le péché, sache que tu as été parfait. Maintenant, ton parfait est devenu imparfait. C'est pas ça. Il a déjà fait cela. Et on dit que ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés pour qu'ils soient quoi? Semblables à l'image de son fils. Tel il est, tel nous serons. Vous avez mon frère? Maintenant, Zacharie chapitre 3. Je vais vous laisser là-bas à partir de Zacharie. À Zacharie là. Zacharie. Que notre Seigneur vous bénisse. Amen. Zacharie. Si vous ouvrez le livre où on parle souvent des dîmes là. vous rentrez tous un peu, vous allez voir là où vous matraque, vous payez les dîmes, payez les dîmes. Vous connaissez ça, n'est-ce pas, la sœur là? C'est quel livre déjà, hein? Vous savez, on a traumatisé déjà, il s'est fait mal à chier. Vous voyez, quand vous rappelez Malachi, c'est facile de trouver Zacharie, pas vrai? Zacharie, chapitre 3. Souvenez-vous, quel que soit ce que vous voulez, que vous-même vous admettez que vous êtes pécheur, que vous-même, c'est-à-dire que tu dis, oh Seigneur, je suis pécheur, c'est parce que Dieu lui dit. Il dit, même si vous ne croyez pas, ici il n'y a pas la besoin de foi, c'est ce que la Bible dit. Ok, je peux lire. Chapitre 3, verset 1. Il me fit voir Josué, le souverain sacrificateur, debout devant l'ange de l'Éternel. Et Satan qui se tenait à sa droite pour... l'accuser. Vous avez vu ça, frère? Vous avez vu ça? C'est Satan à sa droite pour... l'accuser. Écoutez bien attentivement ici. Écoutez bien encore l'esprit d'intercession. Regardez, écoutez très attentivement ce qui va être dit là. Verset 2. L'Éternel dit à Satan que l'Éternel te réprime. Ça, c'est une phrase terrible. Il faut s'attendre à ce que l'Éternel dise quoi? Que j'ai... Il dit, l'Éternel dit à Satan, voici le souverain sacrificateur. La Bible déclare, et c'est pas vous comprenez pour la, vous comprenez la gravité de ce qui est écrit là-bas, frère. Le souverain sacrificateur, comme on a lu dans le livre d'Hébreu, c'est celui-là qui entre dans le sanctuaire, dans le lieu très saint, une seule fois par an. Et quand il entre, si vous lisez le livre d'Exode, chapitre 28 jusqu'au chapitre 30, la Bible donne la description des différents efforts qu'il devait porter sur lui. Là-bas, il devait incruster 12 pierres avec les différentes colorations des tribus d'Israël, représentant les tribus d'Israël. Il devait porter ça sur sa poitrine. C'était la pierre qui était attachée là-bas. Et puis ici, au-dessus de sa tête, il était écrit « Sainteté à l'Éternel ». Cet ornement sacré portant dans sa fonction, la Bible déclare qu'il y a le lieu très saint où il entre une seule fois par an. Quand il entre, le fait qu'il porte les représentations d'Israël, il amène toutes les iniquités devant d'Israël, devant Dieu, pour que Dieu puisse être propice dans le champ. Pour toutes les choses que les gens vont faire, que je puisse réussir. Donc, il portait la responsabilité du péché d'Israël. Le voici, Satan l'a amené devant Dieu. Lui-même, son vêtement était sale. Vous comprenez l'implication, frère? Le souverain sacrificateur lui-même était pécheur. Était dans le péché totalement, qu'il a sali tout le peuple. Satan avait totalement raison. Satan avait totalement raison. Mais le vrai problème, c'est que en l'Éternel juge se trouve en l'Éternel intercesseur. C'est ça le vrai problème. C'est-à-dire le Dieu qui justifie, c'est le Dieu qui condamne. C'est le même Dieu qui défend. C'est le même Dieu qui sauve. C'est le même Dieu qui envoie en enfer. Vous voyez cela? L'Éternel dit à Satan. Satan, que l'Éternel te réprime. Qu'est-ce que c'est là le langage? Vous comprenez que quelque chose ne va pas, frère? Donc, l'Éternel dit à Satan. Il a dit, voici quelqu'un qui parle à Satan. Il lui dit que c'est l'Éternel qui te réprime. Qui est l'Éternel qui va le réprimer? C'est lui-même. Il ne dit pas que je te réprime. Vous voyez le problème? C'est le Dieu intercesseur. C'est-à-dire qu'il ne parle pas à la première personne pour dire je te réprime. Il se tient là-bas. Voici le souverain sacrificateur. Satan est à sa droite. Ils sont devant le trône pour l'accuser. Et de l'autre côté se trouve l'ange de l'Éternel. Là, ils sont devant lui. Il se trouve encore ici. Il dit que l'Éternel te réprime, Satan. Il entend la voix là-bas, la voix sort ici, sa voix ça sort là-bas, l'intercession. On dit qu'après avoir fait le sacrifice pour le Seigneur Jésus, il s'est assis à la droite de Dieu. Vous avez vu ça, frère? Comment Dieu peut s'asseoir à sa droite? Regardez ce qui se passe, verset 3. Or, verset 2. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan. Que l'Éternel te réprime, lui qui a choisi Jérusalem. N'est-ce pas là un tison arraché du feu? Vous voyez ce que le prophète dit ici. Ah mon Dieu. Ah. Verset 7, 3. Or Josué était couvert de vêtements sales. Soulignez ça, frère. Le Saint-Esprit dit exactement ce qu'il en est la réalité. Donc, dans la vérité, Josué était coupable. Il était coupable, il était couvert de vêtements sales. Et ces vêtements sales, c'est le symbole du péché qu'il portait sur lui. Donc la Bible déclare, verset 3, or Josué était couvert de vêtements sales. Et il se tenait debout devant l'ange. L'ange prenant la parole dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales. C'est merveilleux, frère. C'est merveilleux. C'est merveilleux. Ôtez-lui les vêtements. Puis il dit à Josué, voici, vois, je t'enlève ton... Vous voyez, dans ce phrase, on explique que le vêtement sain était son iniquité. Le prophète Esaïe a vu la même chose. Il dit, et je te revêt d'habits de fête. Vous avez vu cela? Si vous lisez le livre d'Esaïe au chapitre 6, dans Esaïe chapitre 6, à partir du verset 1, la Bible déclare, l'année de la mort du roi Ozias, j'ai vu le Seigneur assis sur un trône élevé, le pan de son vêtement remplissait le temple. Et les séraphins se baladaient partout là-bas en criant Saint, Saint, Saint. On dit, tout le temple était plein de sa gloire, pas vrai? Quand Esaïe a vu cela, cette vision-là, première chose, il a dit, malheur à moi. Les accusations. Malheur à moi. Parce que je suis au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Je suis moi-même avec des lèvres impures et mes yeux ont vu le Seigneur, le roi. Qu'est-ce qui se passe? On dit l'un des séraphins est parti avec une braise là sur le front. Il a pris le pain, ce qu'il avait pris. Gardez-vous à l'esprit derrière ceci. C'est-à-dire qu'un endroit où il y a des pierres chauffantes qui chauffent. Vous savez quand le charbon chauffe, ça quitte du noir au rouge. Il dit qu'il a pris ça avec les pincettes pour que ça ne brûle pas sa main. Il est venu. Il a mis ça dans sa bouche. N'est-ce pas, frère? C'est quelque chose qui brûle. Il a mis dans sa bouche. Ça a touché sa langue. Il dit, voici, ceci a touché sa langue, ton iniquité est expiée. Donc ça n'a pas brûlé, pas vrai, frère? Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. L'accusation est terminée, d'accord? Les accusations sont terminées. Et les accusations, les problèmes des accusations ont été résolus à la croix. Que Dieu vous bénisse, mes soeurs, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc ne vous laissez plus jamais condamner. Chaque fois, quand vous avez commis quelque chose et que votre conscience vous dit, vous avez péché devant le Seigneur. Chaque fois, quand vous avez péché, vous vous rendez compte que vous avez fait quelque chose. Souvenez-vous de l'œuvre que Christ a fait à la croix. Allez à lui. Ne courez pas et fuyez, ne fuyez pas. Satan isole les gens dans la culpabilité. Vous voyez, une jeune femme dit que je ne veux plus aller prier. Pourquoi? Parce qu'elle a avorté. Elle ne veut pas parler. Dans cet état-là, c'est l'état où Satan va t'avoir. Qu'est-ce qu'il faut faire? Quand on a fait la faute, la Bible a donné la solution. Il dit, mes petits enfants, je vous écris afin que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un a péché, nous avons un avocat. Donc quand on a péché, au lieu de fuir Jésus, allez vers lui. C'est le moment par excellence d'aller vers lui. Parce qu'il a compassion de vous. La Bible déclare qu'il sait de quoi nous sommes faits. D'accord? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je chante la croix, car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui ai cru. Chose impossible. Mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Je chante la croix car c'est la puissance. Puissance de Dieu pour moi qui y ai cru. Chose impossible, mais Dieu l'a fait. Il a condamné le péché dans la chair. Chose impossible pour tout humain. Par Adam, j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Chose impossible pour tout humain. Par Adam, j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Alléluia. Oh, oh, oh. Juste, même pas un seul. C'est ce que disait la loi quant aux humains. Mais par la croix, je suis sanctifié. Alléluia. Justifié par l'offrande du corps de Jésus. Et je suis saint, enfant du royaume. Libre d'entrer dans le lieu très saint. Plus de rituel, plus de sang de bouc. Mon Père a pourvu à tout ce qu'il fallait. Alléluia. Chose impossible pour tout humain. Par Adam, j'étais esclave du péché. Il a fait libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Oh, chose impossible pour tout humain. Par Adam, j'étais esclave du péché. Il a fait et m'a libéré. Lui seul a pu m'affranchir du péché. Je chante la croix car c'est la puissance de Dieu pour moi qui ai cru en Jésus. Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yowe bomo itopesa na yowe mitema posa na yowe. Hey, Yahweh kumama papa mana kemo katina biso yaka musungi na bato tobeleli yoe bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Hey, Yahweh kumama kolobongi na lokumu yonde mosantu ozali kolo na nyonso libanga na talo bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Hey, Yahweh kumama loboko na yo ya nguya. Sala kati na biso na kombo na Yesu babeli babika bakanga mina kangwama. Hey, Yahweh kumama Yahweh tobelemi pembeni na yowe yamba masanjoli tobonjeli yoe bomo itopesa na yoe mitema posa na yoe. Hey,